Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abra le corps. En ces temps de nouvelles menaces d'expulsion de squats sur Bordeaux, avec celui du Cabaco situé vers Camille Godard, aujourd'hui même le 6 juillet, et à la veille de celle prévue contre le squat de l'Éclaircie, à Gradignan, j'ai souhaité, dans cet épisode, recroiser plusieurs thématiques abordées tout au long de cette année, de mes réflexions sur la gestion différenciée des corps, des territoires et les différentes représentations des maternités et parentalités en général. Par le cycle de podcasts sur les parentalités, nous avons pu voir que, comme toutes les choses qui nous semblent normées et évidentes, il s'agit bien de pas mal de couches de construction sociale. Si la représentation dominante aujourd'hui en fait encore un certain socle que les politiques natalistes souhaiteraient défendre, la vision de la famille nucléaire est bel et bien extrêmement récente, datant surtout de la révolution industrielle, avec bien sûr pas mal d'évolutions depuis. On a vu également que l'agglomérat de croyances et de valeurs religieuses, d'objectifs et d'intérêts sociaux et politiques, etc., avait mené à certaines représentations évolutives de la maternité. Dans un contexte général de gestion politique des corps par les pouvoirs en place religieux, étatiques et économiques, les corps que l'on a, depuis la Renaissance, de plus en plus assignés au féminin, sont devenus l'objet d'un gros lot d'injonctions en termes de reproduction, de la grossesse à l'éducation. Ces représentations ont toujours véhiculé une part considérable de responsabilisation et de culpabilisation, que l'on a pu retrouver dans les différents sujets que j'ai tenté d'aborder cette année, que ce soit les pratiques de contraception, d'avortement, de manière de gérer, choisir de porter son enfant, et de la manière d'accoucher, des décisions donc de PMA-GPA ou de mise à l'adoption. Cependant, nous aurions tort de croire que tous les corps assignés au féminin reçoivent les mêmes injonctions en termes de reproduction, d'éducation, etc. Au fil des retours, des quelques recherches ou des différents témoignages, mes podcasts souhaitaient rappeler les représentations et injonctions différentes en termes de maternité, selon les classes sociales et raciales attribuées. Les travaux des féministes décoloniales mettent en avant les politiques de restriction de maternité, par des vagues de stérilisation, d'avortement ou de mise à l'adoption transnationale et transraciale notamment, à l'encontre des populations minorisées, pauvres, racialisées, des pays dits du Sud ou des territoires dits d'outre-mer. Les mères issues de ces groupes minorisés sont davantage soumises à des traitements, ou plutôt des abus, médicaux et psychiatriques, selon toujours les mêmes cris racistes. Et elles se retrouvent dépossédées de leur capacité ou de leur droit à l'allaitement, que ce soit directement par les institutions médicales ou par l'organisation factuelle de leur travail salarié, victimes de pratiques et de discours violents sur les corps, sur leur corps et leur identité. Les structures de pouvoir les surveillent, les stigmatisent et les rendent responsables de la gestion de l'ensemble des problèmes sociaux propres à leur communauté. Cette dénonciation est portée par de nombreux parents, et notamment des mères de quartiers populaires en France, telles que Fatima Ouassak, chercheuse, autrice, consultante en politique publique et militante féministe, écologiste, antiraciste, depuis son territoire de vie vers le reste. Fatima Ouassak a fondé le Front de Mère, un syndicat de parents pour la justice sociale dans les quartiers populaires. Son dernier livre, La puissance des mères, sorti en 2020, revient sur ses expériences et ses réflexions militantes, qui entendent souligner le potentiel de sujets révolutionnaires que sont les mères, notamment les mères des quartiers populaires. Elle rappelle et rejette les tentatives politiques de silenciation et d'instrumentalisation des mères de ces quartiers, que les institutions politiques, scolaires, etc., poussent sans arrêt à faire tampon, à devoir s'adapter, contrôler leurs fils, tout en délégitimant leurs propres paroles. Fatima Ouassak montre le racisme ordinaire de l'ensemble des personnes privilégiées blanches racisantes de ces institutions, qui aussi entre là considérée elle comme une potentielle militante islamiste qui avancerait, je cite, à couvert, ou bien une pauvre mère totalement misérable, sans aucune capacité de recul ou de choix sur ce qui pourrait être ou non le bien des enfants. Après ma lecture de La puissance des mères, je souhaitais en faire une certaine restitution via ce podcast que je mets en miroir du témoignage de Sam, qui a grandi en banlieue parisienne, dans une famille précaire et en partie racisée. Belle écoute. Pour moi, dans les quartiers populaires, j'ai un peu deux visions. J'ai ma vision à moi de mes parents qui étaient de classe populaire, mais qui avaient la chance d'avoir un chelem un peu dans le côté bourgeois, on va dire, du quartier. Et une fois que mes amis qui habitaient dans le quartier qui était qualifié de cité. Et à la fois quand je suis allée travailler dans cette fameuse cité, quand j'ai été en contact avec les familles et les enfants de ce quartier-là. Donc en fait, ce quartier, j'ai évolué aussi avec. Donc pour moi, le lien, enfin, j'ai vraiment deux parties différentes dans le sens où moi, j'étais dans le côté populaire aussi bien avec mes amis que dans mon travail, ce qui fait que j'ai eu des vécus très différents autour de moi. Et donc j'ai aussi rencontré des parents qui, même s'ils étaient de classe pas dite forcément populaire, avaient en fait ce vécu et cette parentalité-là du fait que leur enfant soit dans ces quartiers-là et dans les écoles de quartier qui sont dites populaires ou ZEP, donc zone à éducation prioritaire, qui sont en général des écoles de quartier, ce qui me permet un mélange qui est tout à fait cool, hein, parce que sinon ils seraient totalement enfermés entre eux, enfin on serait enfermés entre nous, mais c'est ce que j'ai vécu après plus tard, parce que plus tu grandis, plus les parents essaient de faire partir leurs enfants de ces ZEP mal fréquentés, soi-disant. Donc j'ai aussi tout ce côté de... Il y avait des groupes de potes, il y avait ce côté de... les parents traînaient pas, tous les parents traînaient pas non plus ensemble. Et il y avait les parents qui essayaient de cacher, qui faisaient partie de la classe populaire pour que leurs enfants puissent aller un peu plus chez les richoux, puis pour pouvoir même eux être invités en fait au brunch du dimanche. Ils venaient bien habillés à l'école, ils venaient chercher leurs enfants bien habillés, ça parlait bien. Et puis moi je savais très bien quand j'allais chez eux prendre le goûter, je leur racontais pas, mais en vrai, c'était comme chez moi. Et oui, c'était autant la galère que chez moi. Et oui, les parents là, c'était des Lidl, tu vois. Enfin, il y avait ce truc de... Ou quand on allait chez les autres, il fallait faire genre qu'on connaissait la marque, mais en vrai, nous, notre marque à nous, c'était la sous-marque, quoi. Enfin, on disait pas des Kinder Bueno, on disait des craquants. Enfin, c'est ce truc de... Pour moi, c'est toute une autre construction aussi, autant verbale que dans l'attitude, qui demande une gymnastique pour ces personnes-là, encore plus quand d'autres classes sociales sont proches pour permettre de s'intégrer. C'est ça aussi, et c'est là qu'elle est la force pour moi, notamment de la parentalité là-dedans. C'est que c'est des parents qui font une gymnastique permanente en fait entre chez eux leur vécu, comment ils ont grandi, comment ils ont été élevés, leurs moyens qui sont pas toujours et très rarement mirobolants d'ailleurs. Donc faire avec leurs moyens, faire en sorte que leurs enfants soient intégrés, qu'ils soient pas stigmatisés comme les enfants du rebeu qui vit avec les allocs parce qu'elle a 5 enfants et elle a fait 5 enfants pour avoir des allocs. Phrase entendue, dite et redite, c'est des trucs... Moi, combien de fois j'ai entendu, étant petit, non, mais de toute façon, elle en a fait 5 pour les allocs, quoi. J'étais là, genre, mais je comprends pas, ils sont dans un 30 mètres carrés, enfin, je pense pas qu'elle les ait fait pour les allocs, c'est pas logique, ils sont tous les uns sur les autres. Enfin, pour moi, ça avait aucun sens, en fait. Ça avait aucun sens, et la force des mères, elle est déjà rien que là, en fait, dans ce truc de pas le droit à la contraception, pas vraiment informée sur ça, et du coup, oui, où enfin, elle se retrouve dans une espèce de parentalité forcée où. Très concrètement, on voit rarement les pères dans ces quartiers. Moi, j'ai rarement vu les pères, à part quand c'était pour une punition. C'est hyper stigmatisé, mais jusque-là, quoi. Où c'est, en gros, quand c'est le grand frère ou le père qui vient, tu sais que c'est parce qu'il s'est passé un truc pas cool à l'école. Et quand c'est la mère, c'est genre, ça va essayer d'être plus chill pour on va dire, les gens autour. Alors qu'en réalité, on ne sait pas ce qui se passe à la maison, on ne sait pas comment ça se passe. Et les mères, elles sont obligées d'avoir cette image. En plus, moi, dans le quartier où j'habitais, où il y avait une forte communauté musulmane, où il y avait cette question du voile aussi qui se posait beaucoup. Les mères qui l'avaient, les mères qui l'avaient pas, le porter à la sortie de l'école ou pas, parce que c'est aussi une stigmatisation face aux autres parents d'être perçu comme quelqu'un de voilé, donc quelqu'un de religion musulmane, parce que c'est très, très raccourci comme ça. Et moi, à l'époque où j'étais scolarisée, c'était le début de la montée des attentats. Et les attentats, ça a été à 2 km de mon quartier. Donc, quand ça a commencé à voir, quand il y a eu la grosse vague C'était quoi ton raciste quartier, dans le 20e arrondissement. Moi, j'ai grandi entre Ménilmontant et Gambetta. Donc, c'est. Il y a tout le côté. C'est en fait, c'est un mélange de cultures qui est assez fou dans ce quartier, parce qu'il y a le Saint-Sauveur, qui est du coup le QG Antifa de Paris. Et ensuite, t'as le quartier qui s'appelle donc La Banane, parce que ça fait comme une banane où t'as que des cités. Les unes à côté des autres, c'est que des micro-cités. Et au milieu, ils ont collé genre 2 collèges, 3 élémentaires, une maternelle et un centre social. Et ils ont dit, ça c'est un quartier, ça s'appelle La Banane et c'est comme ça, et il faut pas passer la nuit. En gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, il y a aussi tout un quartier d'île, et le d'île qui est très important dans ce quartier, qui prend aussi beaucoup de place, et qui est aussi très important, je trouve, dans la parentalité. C'est une question, enfin moi c'est une question que je me suis beaucoup posée en travaillant après avec les jeunes, où j'allais directement pouvoir leur poser la question de mais t'as 16 ans, mais pourquoi tu vends concrètement? Explique-moi concrètement pourquoi tu vends. Est-ce que c'est pour t'acheter un jogging ou est-ce que c'est pas pour ça? Moi, je veux comprendre. Et les réponses, elles ont été plus construites que ce que je pensais, ce que je m'imaginais. Et ça m'a foutu une sale claque de me dire que, bah non, c'était aussi pour pouvoir, genre, acheter une pièce de saumon le week-end parce que c'est le truc préféré de sa mère, quoi. Et qu'en fait, bah, sa mère, elle peut pas travailler, qu'elle est toute seule et qu'elle a 5 enfants à charge. Et que, bah, déjà, faire à manger, la cuisine, le ménage pour les 5 enfants, bah, ça fait que sa journée, si elle veut les voir, elle peut pas travailler, quoi. Enfin, c'est un truc, c'est entre les petits, ce qu'il me disait, quoi. Entre les petits, les moyens, les grands, ceux qui sont déjà partis, elle arrête jamais, en fait, du matin au soir. Donc, c'est aussi cette envie de faire plaisir et qui est, pareil, très stigmatisée dans le sens où on dit toujours, ouais, les dealers, ils sont ceci, ils sont cela. J'ai toujours grandi en cité. Encore aujourd'hui, je vais en cité, ils me disent bonjour tous les jours et ils me demandent si les flics me font pas chier quand je rentre le soir. Enfin, non, quoi. C'est pas des méchants, c'est des gens qui font comme ils peuvent et qui sont pas forcément sous des personnes sympas et qui ont pas forcément le choix dans ce qu'ils font non plus. Et ils prennent ce qu'ils peuvent. Et à 16 ans, tout le monde n'a pas conscience que. Ou tout le monde n'a pas l'envie non plus de faire du babysitting, par exemple. Moi, j'ai commencé comme ça parce que bah, j'avais déjà cette fibre-là de travailler avec les jeunes. Mais tout le monde n'a pas cette possibilité. Et dans ces quartiers-là, un jeune va déposer son CV, en gros, si c'est pas à Franprix. Et encore même à Franprix, quoi. C'est genre, ah, mais t'habites. On regarde l'adresse, c'est ah, mais t'habites là-bas. Ah, bah, vas-y, je te rappelle. Comme sur le CV, moi, quand j'ai voulu postuler. Dans des écoles supérieures, dans des BTS, dans des trucs, ils me disaient ah, mais vous avez été à Robert Doisneau, mais Robert Doisneau, c'est le collège qui est au milieu de la banane. Et j'étais là, genre, oui. Et sauf que les gens, tout ce qu'ils retiennent, c'est que les flics, quand ils vont là-bas, ils se font casser leur caisse, qu'il y a des incendies, que les collégiens, pour eux, ils sont tarés, ils sont fous. Et je suis là, genre, bah, j'y ai passé 4 ans, il y a aussi beaucoup de belles choses. Du coup, et puis après, oui, je sais, j'ai refait une ZEP, mais j'ai vu aussi beaucoup de belles choses. Et puis peut-être, en fait, les ZEP, c'est bien, et il faut pas trop se poser la question. Et pareil, c'est cette hyper stigmatisation de moi, mes parents voulaient pas que je continue en ZEP. Parce que, mais comment tu vas faire plus tard? Tu t'aurais été, c'est ce truc de t'aurais été qu'avec des cassos, cas sociaux. T'aurais été qu'avec des cassos parce qu'il y a aussi les maisons de jeunes pas loin, parce qu'il y a aussi des foyers pas loin, et que du coup, on avait beaucoup d'enfants placés dans ces écoles aussi, dans ce quartier-là. Parce qu'un des plus gros foyers de Paris Est est en fait à même pas 1 km de ces écoles, donc on avait beaucoup d'enfants placés aussi. Enfin, moi, mon collège, c'était un truc de ouf. Enfin, par semaine, il y avait 10 conseils de discipline, quoi. Il y avait des élèves qui avaient des dossiers qui étaient, mais d'une épaisseur. J'ai été déléguée quasiment de ma 6e à ma 3e. Je pense qu'il y a une année où j'ai lâché, mais sinon, j'ai quasiment tout le temps été. Et parce qu'on avait la chance de choisir. Mais non, on avait la chance de pouvoir choisir la sortie de fin d'année. Donc moi, j'étais C'est trop pour heureuse, ça mais ouais. Attendez, mais genre, je peux aller voir les autres et leur dire, vous voulez faire quoi? Et on y va, mais c'est génial, j'arrive, il n'y a pas de souci. Et parce qu'en conseil de Go, on va discipline. taguer dans le 16e. Et dans les conseils de discipline, il y avait ce truc aussi où je défendais réellement les gens, et du coup, les gens étaient là, genre, ouais, non, mais Sam, vas-y direct, tu vois. Genre, c'est sûr, il va nous défendre. Donc, genre, très bien, je vais défendre alors. Et c'était un T'étais truc. trop l'avocat, quoi. C'est ça. Les avocats du diable qui n'étaient pas des diables, puisqu'on leur mettait plein de trucs sur le dos aussi qui n'étaient pas du tout eux. Mais ça. Des trucs, des tags, bah justement, tu parles de tags, les tags des élèves du collège d'à côté parce qu'ils étaient en guerre, parce que les guerres là-bas, c'est genre pas des petites guerres, c'est genre ils te font des cocktails Molotov dans des canettes et ils te les lancent dessus, tu vois. Ils viennent éclater les vitres de ton collège, du coup, après les autres ils repartent pour éclater les vitres de l'autre collège. Trop tant t'as les flics qui arrivent, enfin, c'est sans fin. Et après, les directeurs ils convoquent les élèves et ils font on t'a vu avec un cocktail. Oui, mais c'était pas pour chez vous, c'était pour l'autre collège. Sauf que va leur expliquer ça. Et du coup, moi, je passais ma vie à faire des conseils de discipline en disant genre. Oui, je sais, il avait une bombe de tag. Non, non, vous n'avez pas de preuve qu'il a tagué. Oui, je sais, parce qu'il n'a pas tagué ici. Non, non, je ne vous dirai pas où il a tagué. Je sais même pas s'il a tagué. Une bombe de tag, finalement. À quoi ça sert? Ça peut aussi faire de la musique. Enfin, tu vois, c'est ce truc aussi d'être tout le temps dans l'hyper-défense. Et au moins, en vivant là-bas, avec mon passing blanc, j'avais aussi ce truc de ne pas être vu comme quelqu'un de racisé. Et où les flics m'arrêtaient en me demandant qu'est-ce que vous foutez là? Ça m'est quand même arrivé d'avoir un flic qui à 2 h du matin m'arrête donc au milieu de mon quartier hein, quand même je rentrais chez moi et qui me dit genre mais qu'est-ce que vous faites là en fait? Je dis bah je rentre chez moi, il me dit mais vous habitez où? Je dis bah là au bout de la rue. Il me dit ah bon et tout, faites voir vos papiers d'identité. Je lui fais voir, heureusement c'était la bonne adresse. Il me dit mais qu'est-ce que vous foutez là? Bah je suis pauvre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Genre ouais bah ouais ça se voit pas et bah je suis racisée connard, bah voilà, enfin je. Eh oui moi aussi j'ai pas la moula, qu'est-ce que tu veux? Et c'est pareil de dire genre moi je suis un enfant unique. Moi, c'est un truc qui n'était pas du tout compris. Enfin, les enfants uniques précaires, c'est un truc qui n'est pas du tout compris pour les autres familles. Que mes parents soient précaires, c'était inconcevable. Parce que vous travaillez, vous avez qu'un enfant, mais vous vous foutez de notre gueule, quoi. Nous, il y en a un qui travaille, on en a trois à la maison et on se démerde. Et il y avait aussi ce truc de pas la même précarité, pas les mêmes problématiques. Et où là, il y a une ouverture d'esprit qui se fait pas des deux côtés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouverture d'esprit du côté des gens qui se disent, mais en fait, est-ce que la personne est seule à s'occuper de ses enfants? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'elle peut travailler? Est-ce qu'elle est en capacité ou pas? C'est un truc où. Là, ça vient sur les violences conjugales, mais en vrai, moi, j'avais tellement de jeunes qui avaient des violences à la maison que les mères, elles me disaient, quoi, je peux pas aller travailler, un jour sur deux, j'ai un bleu, je fais comment? Et en gros, ça veut dire qu'il va falloir que je le verbalise, sauf que si je le verbalise, bah, c'est pas mieux à la maison, et si je le verbalise pas, bah, ça change pas. Bon, bah, je travaille pas, je reste chez moi et je fais les machines, quoi. Et c'est un truc où je me disais aussi, bah, pareil, c'est une vision de la société de dire, genre, bah, peut-être on peut trouver d'autres moyens, peut-être que, genre, c'est pas tout le temps les flics, peut-être que c'est aussi un mouvement social réel à avoir dans ces moments-là, et un réel soulèvement aussi social. Et quand je faisais les actions dans ce quartier, quand en grandissant, je sensibilisais les jeunes qu'on allait faire des micro-trottoirs et qu'ils posaient les questions, c'était les questions qui les intéressaient, que ce soit autant sur la communauté. J'ai eu beaucoup de questions sur la communauté LGBT. QIA+, parce que bah, j'ai fait mon coming out dans ce quartier aussi, mon coming out lesbienne à l'époque, donc j'ai vécu aussi ce truc d'être le PD du quartier en fait, et d'être le PD assumé qui en avait vraiment rien à foutre et qui disait mais en fait de toute façon peu importe ce que vous dites ça changera pas, et moi c'est pas accepté chez moi, je sais que ça doit pas être accepté chez toi, mais là je te parle pas de chez toi, je te parle de toi. C'était aussi ce truc là de dire genre moi mes parents ils supporteraient pas d'avoir un enfant gay, d'avoir un PD dans la famille, qu'en gros c'était beaucoup beaucoup ça, genre. Et moi ce que je disais, genre, mais moi non plus ils acceptent pas, hein. Mais je pense qu'on peut se déconstruire, on est autre chose, on est ensemble là. Enfin, pour moi, on passait tellement de temps tous ensemble, notamment dans ce collège, qu'on avait le temps de faire plein de trucs en fait, et qu'il fallait faire plein de trucs. Et quand derrière j'ai travaillé au collège, c'était pareil, c'était ce. Enfin, il y avait une salle et on était quasiment tout le temps dans cette salle en fait. Les jeunes ils venaient toquer, ils se posaient, ils écrivaient sur le sujet qu'ils voulaient, et on en discutait. Et c'était autant sur des questions de dire genre bah regarde toi là aujourd'hui t'es habillé en Nike parce qu'en fait tes parents tu te rends compte qu'ils sont bien, mais en fait tu te regardes tes potes tu te rends compte que c'est pas forcément de la marque et que c'est pas grave non plus. C'était autant sur des questions comme ça que sur des questions physiques, parce que je pense à ça parce que notamment moi ça a été aussi la religion dans laquelle j'ai été élevée, mais la religion, et c'est pas que la religion, comment je dirais ça, cette éducation de vie. Moi je sais que dans l'éducation que j'ai eue qui est algérienne du coup, il y a aussi ce truc de il faut manger, il faut vraiment manger, beaucoup manger, il faut que tu sois en chair. Il y a aussi ce truc très compliqué des enfants qui arrivent au collège et qui commencent à avoir des formes et donc à prendre du poids, et où chez eux en fait on les oblige à manger très concrètement, et où moi je les vois pas manger au collège derrière parce que genre c'est pour équilibrer, parce qu'en fait dans ce corps et elles se sentent pas confortables, parce qu'en fait à la maison on les force à manger, mais du coup leur corps correspond pas du tout à ce qu'elles auraient envie, et peut-être pas non plus à leurs envies, leurs attentes. C'est ce truc de moi chez ma grand-mère, tant que je rotais pas, ce qui est fou parce que c'est quelque chose qui en France se fait pas, de roter à la fin d'un repas. Chez ma grand-mère, tant que tu rotes pas, elle te resserre. C'est un truc, c'est, pour moi c'était sans fin, quoi. C'est genre tant que tu rotes pas, c'est que t'as pas assez mangé. Et en France, j'aurais fait ça chez ma grand-mère française, puisque du coup j'ai eu les deux, qui est hyper catho, mais j'aurais fait ça, mais je me serais fait sortir de table. Enfin, c'est le truc. Moi, j'étais dans un entre-deux total où on me disait à la fois ce côté hyper, on se tient bien à table et dans les bonnes mœurs, il faut se tenir droit, ceci, cela. Ma grand-mère qui me disait, tu manges avec les doigts, et tant que t'as pas roté, je te resserre, quoi. Parce que du coup, c'était une classe sociale différente, c'était un. C'est la même classe sociale, mais on va dire que le côté français de ma famille, et même, bon après ma mère comprise, c'est ma mère qui est racisée, se voulait pas montrer ce côté, ce côté précaire. C'est quelque chose qui, avec le temps, est devenu très honteux. Et même mes grands-parents, enfin, c'est quelque chose qu'ils ont toujours caché. Ils se sont toujours démerdés pour avoir des bons trucs, mais ils l'ont toujours caché. Alors que du côté, du côté algérien de ma famille, ils s'en foutent de cacher ou pas. Enfin, ma grand-mère, elle habite dans une cité. Son appart, c'est. Il n'y a rien qui va dans son appart. Elle habite avec ce qu'elle peut vivre. Et elle s'en fout parce qu'elle part du principe que du moment qu'elle peut faire à manger, qu'elle peut inviter ses copines, ça lui va. Alors que mon autre grand-mère, c'est. Il faut avoir une prestance, il faut avoir une tenue. Il faut que la maison soit tenue. Il y a ce truc de. Il faut faire façade qui a beaucoup plus, je trouve, dans la classe sociale dans laquelle ma grand-mère et ce côté-là de ma famille se veut être ancré, alors que ça l'est pas réellement quand on regarde le porte-monnaie. C'est aussi ça, c'est cette façade de non, mais nous on habite quand même dans une maison, alors qu'en soi ça veut rien dire d'habiter dans une maison. Enfin, concrètement, la maison, surtout que c'était une vieille ferme abandonnée qu'ils ont retapée. Enfin, oui, elle a de la présence ta maison, mais en fait elle vaut pas grand-chose non plus. Tu lui as donné de la valeur, mais de base elle valait pas grand-chose. Notre grand-mère, elle cherche pas à donner de la valeur, c'est genre moi j'ai ces moyens, bah voilà, c'est comme ça. Donc c'est aussi cette différence sociale-là des familles qui veulent le cacher, parce que honteuse, parce que pas envie, ou parce que persuadée que ça change quelque chose. Et en réalité, je pense que ça change quelque chose sur pas mal de points quand même. Notamment sur tout ce qui va être, bah, ce que j'en parlais tout à l'heure, les offres de travail, ou même c'est con, mais les lycées, enfin. Il y a certains lycées sur Paris où il y a des options, où il faut faire des entretiens, je sais pas comment ça se passe dans les autres villes, où en général tu es mineur, donc tu vas avec tes parents. Donc la présence de tes parents, il y a aussi quelque chose qui te porte avec toi, en fait, de bah ça reflète aussi un peu chez toi. Moi j'avais ce truc de je faisais tout pour pas y aller avec mes parents à chaque fois, parce que ça se voyait que c'était de la fausse prestance. Et même moi je le voyais, je me disais si moi je le vois, tout le monde le voit. Il y a une scène dans Tout ce qui brille qui me fait mourir de rire, où elle a la personne pour qui elle fait du babysitting qui arrive chez elle, qui déboule sans la prévenir, et elle dit à sa mère et à sa soeur d'aller s'habiller, et sa mère sort genre le manteau en vison hyper cheap, en disant genre bah tu m'as dit de m'habiller, c'est comme quand je vais au marché quoi, en gros. Et elle a ces deux marchés, genre le marché d'en bas de la maison où elle y va en jogging, et l'autre marché où elle va avec son truc en fourrure. Et c'est la pièce maîtresse de toute sa garde-robe qui est chic pour elle, donc elle la met dans toutes les occasions où il faut s'habiller. C'est un peu ça. Je trouve dans le côté aussi, c'est un effort quand même dans la parentalité de se dire, même ma grand-mère c'est pareil, mais même les parents avec qui j'ai travaillé, c'était ce truc où à chaque fois qu'il y avait un événement, tous les parents que je savais précaires arrivaient toujours avec la même tenue en fait. Et c'était la tenue des événements, et ils aimaient trop cette tenue. Ou alors t'avais des enfants où ça se déplaçait d'âge en âge, du petit frère ou à la petite sœur, enfin ils se démerdaient mais ça s'adaptait. Enfin, il n'y a pas trop de genre à ce moment-là dans les vêtements, eux ils ont pas le choix, ils se sont déconstruits, tu vois, ou ils font à peu près comme ils peuvent. Et enfin, où c'est juste ok, alors que là où je bosse maintenant, quoi, je vois que je bosse pas du tout dans un milieu précaire, je bosse dans un milieu hyper aisé. Où la parentalité, c'est genre mon enfant s'est assis par terre et maintenant son jogging Nike qui a ton salaire, non, du Kenzo, parce que je dis Nike, mais même pas, c'est du Kenzo, ils sont bien Kenzo, quoi. Et s'il y a une tâche, en gros, c'est la moitié de mon salaire que j'ai niqué, quoi. Et les parents se permettent de te mettre un coup de pression en mode oui, c'est quand même très cher. Oui, bah, en même temps, ton enfant, il vient au centre. Enfin, je fais de la peinture. Oui, pardon. Enfin, il a 3 ans, il connaît pas son prénom, il sait pas peindre non plus. Enfin, j'y peux rien. C'est des trucs où. Alors que quand je bossais dans les cités, les enfants ils revenaient tachés. Ma mère regardait et disait c'est artistique. Et puis voilà, c'est ce truc où là à Noël ils nous offrent genre des coffrets de chocolat où il y en a 4 dedans, mais où c'est des chocolats de fou. Mais en attendant, quand je bossais dans les quartiers, quand je faisais des tournois de foot, les trucs comme ça, on n'avait rien à prévoir au niveau bouffe. Parce que bon, on oublie tout ce qui est Covid, tout ça là-bas, ils oublient aussi très fort. Hein. Parce que en fait, au goûter, t'as tous les parents qui descendent du café, du thé, des jus, ils ont fait à manger les mêmes. Enfin, il y a du bissap, et c'est des trucs, c'est que des trucs que genre, ils ont fait elles-mêmes, et c'est juste merveilleux. Et c'est un partage aussi de tous les goûts de ah, mais comment t'as fait ça? Et c'est un mélange de culture qui se fait pas ailleurs que dans la précarité. Et pour moi, la parentalité aussi, elle joue beaucoup, beaucoup à ce niveau-là, dans le sens où la vie sociale est tellement différente. Parce que oui, quand ça se mélange à d'autres milieux, il y a des efforts à faire, il y a cette espèce de masque qu'elles mettent tous parce que c'est plus simple, et aussi pour que leurs enfants puissent s'intégrer, parce que c'est une enjeu aussi qui est très forte et qui se ressent beaucoup, moi je trouve, de vouloir intégrer leurs enfants. De dire, mais en fait, s'il est turbulent, là, quand il va partir au collège, ça va se passer comment? Ce sera le clown de la classe, mais moi je veux pas que ce soit le clown de la classe. Ça va encore être genre l'Algérien, le Renoir, je reprends des mots, tu vois, qui sera le clown de la classe. Et tu veux leur dire quoi? Genre, bah oui, mais peut-être aussi il y a d'autres choses, et peut-être. Oui, il y a beaucoup de stigmatisation par rapport aux personnes racisées, mais peut-être que c'est aussi quelqu'un d'hyperactif, et que si on adapte un peu les choses, en fait, il sera beaucoup plus à l'aise, et que bah ce sera plus du tout clown, c'est juste il ira sur une scène, et puis il fera rire tout le monde, et il sera vraiment heureux, quoi. Enfin, il y a aussi ce truc-là de leur donner les moyens. Parce que les enfermer dans un milieu où on leur donne pas les moyens de faire quoi que ce soit, c'est aussi pas leur permettre d'évoluer, et après dire, ah ouais, mais ils font ça, ils font ça, ils font ça, mais ouais, on leur propose quoi d'autre? Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant d'air. Maintenant je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit. Effacer les mirages, apprécier le goût de la vie. Bien évidemment que les jeunes qui tiennent, ceux qui disent ils tiennent les murs, ils tiennent les bancs, ils tiennent les parcs, oui, ils tiennent tout ce que vous voulez, mais en même temps ils peuvent faire quoi d'autre? Alors que la réalité c'est que tu poses un micro dans la rue avec une table et je l'ai fait, et pour l'avoir fait, c'est, je me suis pas posée 5 minutes dans cette journée. J'ai pas pu pisser, enfin, c'est un truc où j'ai posé un micro, c'était un test de poser un micro avec un enregistreur, des casques, de poser ça sur une place, dans un quartier et de voir ce qui se passait. On n'a rien eu à faire, les jeunes ils sont venus à nous tout seuls. Et on a tout eu, on a eu des podcasts, on a eu du rap, on a eu des monologues, on a eu de la psychologie, on a tout eu. Du petit qui me racontait que sa mamie elle avait fait une purée, de comment elle avait fait la purée, jusqu'à celui qui me raconte que en fait dans la physique quantique, parce qu'il est fan de ça et qu'il est passé par là et qu'il voulait trop me le raconter, et que je lui dis bah tiens aujourd'hui j'ai un micro, tu me le racontes avec le micro. Et c'est ce truc là d'être capable aussi de recevoir ce qu'ils vont te dire, parce que c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas des problématiques que tu croises tous les jours, c'est des trucs où moi j'avais une petite, sa mère voulait pas qu'elle aille à l'école. Et donc il fallait qu'on se démerde pour lui faire la classe, parce que bah si elle apprend pas à lire et à écrire, elle va avoir un... enfin c'est pas pratique dans la vie en général. Donc j'ai beau être pas beaucoup de choses dans la vie, pas aimer beaucoup de choses, là je pense que quand même c'est assez essentiel, et du coup on se démerdait pour essayer de faire ça. Et le jour où j'ai donné le micro à cette gamine et qu'elle m'a déballé toute sa vie, je me suis dit mais jamais cet enregistrement je peux le sortir où que ce soit, parce que c'était tellement hardcore sorti d'une... Et elle se présente au début en disant genre nanana 3 ans et demi. Et ensuite, elle lâche toute sa vie qui, pour elle, où il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de tact, il n'y a rien, parce qu'elle, c'est ce qu'elle vit au jour le jour. Elle vit tous les jours ça. Et du coup, pour elle, que sa mère l'empêche d'aller à l'école, que son père déboule tous les 3 jours en bas de chez elle, c'est normal. Et elle te raconte ça comme si elle disait eh ben, moi, je vais au parc avec ma mamie tous les soirs et on mange une glace. Et elle, elle dit bah, mon papa, il arrive tous les 3 jours en bas de la maison et puis il crie pendant des heures. T'es là, genre. D'accord, et ensuite. Et ta mamie, elle fait des gâteaux sinon. Et au final, c'est un truc où ils ont besoin d'avoir la parole, mais où il faut que ce soit des personnes compétentes aussi pour recevoir cette parole. Et c'est pas le cas, je pense, sur plein de structures, c'est pas le cas, parce que recevoir des vécus aussi forts et pouvoir communiquer aussi avec des familles qui ont des vécus forts de par leur précarité, parce que c'est pareil, est-ce que les personnes qui travaillent dans ces quartiers ont déjà manqué de quelque chose, est-ce que y a au moins la notion de ce que c'est de pouvoir vivre sans électricité, sans eau chaude, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois quand t'as plus de thunes, quand tu peux plus manger, qu'est-ce que c'est d'aller au marché, mais pas d'aller au marché pour acheter ta bouffe, pour aller négocier les fruits abîmés, pour que tu puisses les emmener, parce que bah, sinon tu fais comment à manger, et du coup tu manges de la soupe tout le temps, parce que bah, ils sont tellement abîmés que tu peux même pas en faire autre chose en fait. Donc c'est tout ce côté-là aussi pour moi qui est intéressant, de se dire genre, tu dis que tu comprends ces problématiques, que tu peux aider ces jeunes, d'accord, mais il faut aussi déconstruire tout ce côté-là de qu'est-ce qu'ils vivent réellement chez eux, qu'est-ce qu'ils ont réellement à la maison, et qu'est-ce qui s'y passe. Et tout ça, pour moi, il faut aussi se déconstruire et réussir à aller voir les familles, des familles qu'on n'est peut-être jamais allé voir, à qui on n'a jamais demandé quoi que ce soit, à qui on n'a jamais dit genre bonjour, votre enfant a mordu un enfant aujourd'hui, mais c'est pas grave, moi j'aimerais juste comprendre pourquoi il l'a fait, plutôt que bonjour, faut le punir, il a fait ça. C'est aussi toute cette communication, mais j'ai beaucoup bossé sur la communication non violente quand je suis arrivée dans cette école particulièrement, qui était une école donc où, entre deux cités, parce que la violence dans la parole et dans les gestes des enfants était tellement intense que c'était... Je pouvais même pas en rajouter, en fait. Pour moi, c'était ce truc de dire... D'accord, très bien, tu vas m'éclater la gueule, mais sinon, pourquoi? Enfin, j'aimerais comprendre, parce que là, tu me dis que ou toi, ou ton grand frère, ou ton père, ou d'accord, très bien, je vais me faire éclater parce que je t'ai dit que c'était pas bien ce que t'avais fait, mais pourquoi t'as fait ça, en fait? Et pourquoi tu me dis ça? Pourquoi forcément on va m'éclater? Pourquoi on peut pas juste discuter et se mettre d'accord? Ce serait quand même vachement plus cool. Et je sais pas, il y avait aussi tout ce travail de derrière aller voir les parents et de leur dire bonjour. Aujourd'hui, j'ai dit que votre enfant avait fait ça de mal, il m'a dit que vous alliez m'éclater. Je pense qu'il va falloir qu'on discute parce que vous allez pas m'éclater. Et je vais travailler ici encore un petit moment, vous allez m'avoir sur le dos encore un petit moment et vous allez toujours pas m'éclater. Donc il y avait aussi ce truc de leur montrer que j'étais aussi là pour eux et que c'était pas juste de. Je suis pas genre juste un animateur qui est posé là et qui fait. Qui garde ton enfant comme posé dans la cour à voir juste s'il se bouffe pas les doigts ou s'il bouffe pas du bois, tu vois. C'était aussi ce truc de non, il y a un vrai travail, il y a vraiment quelque chose à faire et qui peut évoluer. Et quand les parents, ils se rendent compte de ça, ils s'impliquent. Mmh. Et quand ils s'impliquent, c'est juste merveilleux. Enfin, on allait à une manif où il y avait une personne de l'association Les Fronts de Mer qui parlait. C'est celui de Fatima Wassak, justement. Ouais, et qui disait n'invitez pas... N'invitez pas les maires des quartiers populaires à votre table. Elles en ont déjà une. Allez voir leur table à elles. Et cette phrase, elle était tellement forte de dire... Mais oui, en fait, évidemment que c'est aussi des maires qui ont envie d'avancer et de faire des choses. Je parle plus des maires parce que très souvent, c'est les maires, malheureusement. Mais elles se battent déjà, elles sont déjà entre elles. Et oui, bien évidemment, quand elles sont au parc, elles disent... elles font pas que parler chou-fleur, quoi. Enfin, vous les prenez pour qui, en fait? Et c'est pas parce que tu comprends pas ce qu'elle dit que c'est pas intéressant. Et je pense que ce côté aussi de venir en France pour l'avenir de leur enfant, faut pas oublier que peut-être que le pays il leur manque, peut-être qu'elles voulaient pas partir. Et ouais, aussi recréer ça, bah, quand tu te retrouves de toute façon qu'avec la même communauté, qu'avec les mêmes personnes et qu'il n'y a pas ce mélange, même s'il y a le mélange de certaines religions, de certaines pratiques. De certaines pratiques, qu'il y a quand même un beau mélange, bien sûr. Le mélange, il n'est pas sociaux, malheureusement, et surtout pas dans les catégories sociales où... Moi, j'ai fait une activité, je les emmène au conservatoire, les petits, j'ai l'impression de leur avoir donné le Graal alors que je leur ai mis un piano sous les doigts, quoi. Et c'était genre, ah, mais les touches, elles sont vraiment lourdes comme ça parce que j'ai jamais touché un piano de leur vie, alors qu'en vrai... je suis désolée, mais il y a des magasins de piano partout, venez, on fait une sortie dans un magasin de piano, c'est des trucs où, oui, évidemment qu'il y en a un sur les 15 qui s'est trouvé une passion pour le piano, bah c'est aussi ça, parce qu'on lui a donné la possibilité de... Et évidemment qu'ils se trouveront plein d'autres passions si on leur donne la possibilité de... Si on leur propose, si on leur donne des choix. Si dans les écoles, il y a aussi des personnes qui se bougent et qui vont pas juste parce que quand tu vas en ZEB, bah derrière, t'as une meilleure retraite et tes heures, elles sont mieux comptées. C'est aussi ça, c'est d'avoir des personnes qui sont vraiment impliquées, encore une fois, pour ces jeunes et qui font des choses qui les intéressent vraiment, parce qu'évidemment c'est pas les mêmes problématiques partout et c'est pas les mêmes problématiques dans chacune des écoles dans lesquelles on ira ou dans chaque quartier dans lesquels les gens évoluent, mais je pense que c'est à chacun aussi de s'adapter, et surtout quand tu travailles, si t'es un ou une travailleuse sociale, c'est quelque chose pour moi qui est très importante, c'est de s'adapter au public qui est autour de toi, parce que ce sera jamais le même, peu importe la catégorie sociale, ce sera jamais les mêmes demandes, ce sera jamais les mêmes problématiques. Et c'est quelque chose qu'il faut faire avancer et pas se bloquer sur le « il n'y a pas de moyens ». Les moyens, ça se trouve. C'est quelque chose... moi, la première fois que j'ai monté ma demande en mairie pour avoir des subventions, j'ai cru que j'allais me tirer une balle parce qu'il y avait 15 pages pour demander 200 balles pour acheter des ballons aux gosses. J'étais là, non mais vous foutez de ma gueule. Le terrain, ça fait 3 ans à ce qu'on demande qu'il soit refait parce que bah, y a du goudron et que du coup, les enfants, s'ils tombent, et bah, ils s'ouvrent, en fait. Et que même si c'est très élastique à cet âge-là, faut pas déconner. Et derrière, je leur dis, bon, bah d'accord, très bien, mais dans ce cas-là, des ballons, ça coûte moins cher, des ballons. Et on me dit, mais pour faire quoi? Pour faire du ping-pong, connard. Et ils sont tous fouteux. Ils me disent, pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas du beach volley? Bah, parce qu'ils sont jamais allés à la plage pour la plupart. Donc, qu'est-ce que tu veux que je leur propose du beach volley? C'est un truc qu'on m'a vraiment dit, par contre. Il y a Paris Plage qui s'est ouvert cette année, donc pourquoi pas du beach volley? J'étais là, parce que la plupart ont jamais vu la plage. Donc, si tu veux, on leur paye un voyage à la plage, on leur présente là-bas, mais là, ça a aucun sens. Il faut connecter à un moment. Tu peux pas leur proposer quelque chose sans leur amener ce qu'il y a autour. Tu peux pas juste poser quelque chose comme ça, tiens, on va faire ça, mais t'as aucune idée de pourquoi, de comment, d'où ça vient. C'est comme la première fois que tu leur mets une caméra dans les mains. Oui, évidemment que si tu leur expliques pas comment ça fonctionne, d'où ça vient, et qu'est-ce que ça peut t'apporter, qu'est-ce que tu peux faire avec, et c'est leur donner cette ouverture aussi de on peut faire plein de choses avec. Moi, le jour où j'ai fait le tournoi de foot, c'était aussi ce truc de dire j'ai proposé aux jeunes de 2 jusqu'à 22 de venir. C'est ça, de 22. De 2 ans jusqu'à 22 ans. Oui, et le but c'était que chaque personne qui passait le pas du stade avait un rôle. Ouais, ok. Du coup, j'avais un enfant de 2 ans. Dans tes bras. Je lui avais donné des fanions et il secouait ses petits bras et il faisait des tout doux et il était très content. Jusqu'au commentateur il avait 19 ans, je crois. 19 ou 20 ans, je sais plus. Il avait quel âge quand il est venu? Donc ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, il était plus vieux que moi, mais ça, il était pas au courant, qui arrive et qui, en fait, lui, était toujours dans le one-man show, était toujours dans la déconnade, et je lui dis, mais tu veux pas faire le présentateur, là? Et il nous a fait le présentateur de tout le tournoi de foot, parce qu'il connaissait les prénoms de tout le monde, il a vanné, il a déconné, et c'était juste, c'est un truc où on a trouvé un rôle à chacun, et au final, les filles qui sont même pas venues nous faire chier, alors que peut-être on n'avait pas exactement tout ce qu'il fallait. En vrai, il serait venu, je sais pas si j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais l'arrêté de la mairie qui disait oui bonjour, j'ai le droit d'être là. Maintenant, est-ce que j'ai le droit d'être là avec autant d'enfants? Est-ce que j'ai le droit de leur... Tout ça, c'est un truc où juste... Est-ce que t'as organisé ça rattaché à la mairie ou... En fait, j'ai demandé à la mairie des subventions parce que je voulais des lots à gagner pour les enfants. Et je pouvais, en gros, je pouvais me démerder pour avoir à peu près la moitié des lots qui étaient notamment tout ce qui était gourde, maillot de foot, enfin tout ce qui est en gros Mais via un accessoires centre? autour du foot. Via un centre social? Via un... Non, je faisais partie d'une asso indépendante qui faisait de D'accord, la ok. vidéo et de la radio avec les jeunes. Et du coup, nous, c'était des appels à projets qu'on faisait en mairie. On leur disait, voilà, on veut faire tel projet pour telle raison. Là, le but, c'était de faire venir des chercheurs de tête parce que c'est un quartier qui faisait où il y avait beaucoup, beaucoup de footeux. Et du coup, l'idée, c'était aussi de faire venir un peu, genre, on avait fait venir deux journalistes de SoFoot, je crois, un truc comme ça. Je m'y connais pas trop, j'avais demandé aux jeunes c'était quoi le mieux, parce que, voilà. C'est aussi ça, tu vois, c'est travailler avec les jeunes. Enfin, moi, j'étais pas au courant, et je suis allée voir les plus grands, et je leur ai dit, c'est quoi le mieux? Parce que, en fait, je... Et puis, même niveau... Enfin, dans les lots, tu vois, c'était, genre, est-ce qu'il vaut mieux se démerder pour, genre... Je sais pas moi, avoir des ballons, avoir. Enfin, il y a tout ça où j'ai aussi demandé à gauche à droite des conseils parce que j'étais pas sûre d'avoir toutes les nécessités. Il se trouve que j'étais plutôt juste en soi à ce moment-là, mais c'est pas toujours le cas. Et demander des nécessités, qu'est-ce que vous avez besoin, c'est aussi quelque chose qui se fait et qu'il faut démocratiser, surtout je trouve dans ces quartiers-là où c'est. Bah, eux, ce qu'ils avaient besoin, c'était de se défouler en fait. Leur faire un cinéma en plein air, je leur aurais fait, bon, ils auraient kiffé, mais. À la fin, il m'aurait dit, ouais, tu nous as fait nous asseoir 2 heures, enfin, c'est ce qu'on fait toute la journée, quoi. Alors que leur dire, bah là, on va nettoyer le terrain, on va le retaper, vous allez le décorer comme vous voulez, on fait le tournoi de foot, à la fin, on nettoie tous ensemble, on voit comment ça se passe et tout, et peut-être, et on verra en fonction de qui est, et au final, leur dire, bon, bah, il y avait deux chercheurs de tête et deux journalistes aujourd'hui dans le public, et pendant tout le temps, tout le monde m'a demandé qui c'était, parce qu'en fait, ils sont tellement enfermés entre eux que dès qu'il y a une nouvelle tête, ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est ce truc de. Ils sont tellement entre eux qu'ils connaissent tout le monde. Et que, évidemment, on te dit bonjour, évidemment, on te reconnaît, évidemment. Enfin, il y a aussi ce truc très, très protecteur où, moi, en tant que personne habitant là-bas, enfin, je rentrais en mini-jupe, j'en avais rien à foutre. La seule fois où je me suis fait suivre, c'est les personnes de la cité qui ont allumé les phares des voitures parce qu'ils bloquaient la rue avec les voitures la nuit pour pas que les flics viennent, qui ont allumé les phares et qui ont dit au mec, mais tu fais demi-tour en fait, parce que lui, il vient de chez nous. Lui, c'est un petit de la maison, il est petit de la maison, tu les touches pas. Donc il y a ce truc hyper familial aussi de se dire genre on est entre nous, on se défend et qui devient très sectaire et de plus en plus sectaire parce qu'ils sont entre eux et que c'est pas ouvert quoi. Et je me dis mais plus on les renferme sur eux-mêmes et plus ils vont aller où? Enfin c'est un truc où s'ouvrir c'est si... Faut leur donner l'ouverture, c'est quelque chose que si tes parents n'ont pas, si les amis n'ont pas, si personne n'a en fait la clé de ta passion quelque part autour de toi, comment tu la découvres? Comment tu peux commencer à toucher à tout ça et à te dire genre ah peut-être que le dessin, peut-être que la musique, peut-être que le foot, le sport, enfin je sais pas, il y a plein de trucs. Même moi je sais que dans le tatouage, enfin j'ai un jeune qui dans le tatouage de base part en religion musulmane, donc ça c'était hors de question. Et au final il s'est découvert une passion pour le dessin et quand j'ai fini par lui montrer des photos et quand il me voyait moi me faire tatouer au fur et à mesure aussi de l'année où on bossait ensemble, il me disait mais en fait je crois que c'est ça que je veux faire. Et on en a parlé aussi au niveau social, de dire genre, ok, mais il faut que tu te rendes compte que si tu fais ça, tes parents, faut aussi prendre en considération comment ils vont le vivre, comment ils vont l'accepter, pas l'accepter. C'est aussi quelque chose qui est important à définir avec eux, de dire genre, là, je t'ai donné une ouverture, mais c'est toujours pas celle que t'as chez toi non plus. Et garder ce truc de, je sais pas comment expliquer ça, de, tu t'ouvres au monde, mais tu peux pas oublier d'où tu viens et tu vivras toujours avec ça, et c'est pas forcément écrit sur ta gueule. Mais c'est de la façon dont tu l'amènes par la suite. C'est ça qui... C'est pas forcément, enfin moi c'est des trucs où j'avais des jeunes qui s'investissaient et qui faisaient des trucs merveilleux. Et pourtant ils arrivaient dans la salle, ils payaient pas de mine, tu vois, ils arrivaient, ils étaient tout penauds, ils parlaient pas. Et en fait tu venais les voir, tu leur disais plutôt ordi, plutôt caméra, plutôt écriture, plutôt... Tu vas me voir, tu me dis, tu vois. Et peut-être que c'était une semaine, 2 semaines après qu'ils venaient dire. Parce que tout est connoté très vite aussi. C'est ce truc de ah, mais t'as un intello parce que tu fais de l'écriture, mais tu te prends pour qui parce que tu fais de l'écriture, qui peut aussi vachement être lié aux origines, parce que même entre eux, il y a vachement de clivages d'origine, d'ethnie, de genre. Enfin, c'est un truc de fou, moi je. Il y avait plusieurs dans là où tu grandissais, c'était essentiellement des familles racisées du coup, mais de différentes origines. Ouais. Ok. Il y avait différentes Il n'y origines. avait pas vraiment de personnes blanches racisantes. Bah, c'est. En fait, il y en avait. En soi, c'était assez mélangé. Mais ça restait quand même beaucoup, beaucoup de personnes racisées. Et souvent des personnes racisées avec. Enfin, ou. Est-ce qu'on. Enfin. Pas dire ce mot, je crois. Les bigous, les cafés au lait, mais. Les personnes métissées, quoi. Ou. Ou non mais tu sais je sais pas si ou white passing sinon ouais ayant un white passing plus ou moins fort c'est ça ayant un white passing plus ou moins fort où on dit genre mais c'est cette je me rappellerai toujours cette insulte le bounty t'es noir à l'extérieur mais t'es blanc à l'intérieur t'es un faux noir quoi. t'es une fausse personne racisée genre à l'intérieur en fait t'es un blanc et moi j'ai toujours eu l'impression de l'inverse quoi genre en mode non mais toi de toute façon genre t'es blanc genre c'est bon tu vois on te fait pas chier on te fait pas ceci et c'est les personnes qui au fur et à mesure de parler avec moi et tout du coup oublient même ce passing et en soi me dire mais enfin moi je vois les là j'habite toujours en cité les jeunes en bas de chez moi qui m'ont demandé ce matin ça va les filles qui te font pas chier j'étais là, genre je suis désolée de te rappeler que j'ai un white passing de ouf et que oui toi tu te rends compte en fait que je suis racisée parce que tu me vois passer parce que j'habite là aussi parce que j'habite là et parce que tu comprends bien que oui il y a bien quelque chose qui nous relie tu vois mais en réalité eux c'est pas ce qu'ils voient c'est pas comme ça que je suis perçue et la preuve en est que j'ai fait le test quand j'habitais encore dans ce quartier justement vachement mélangé de clivage entre cette cité et tout le haut Gambetta qui était beaucoup plus riche où du coup les flics quand truc con où il y avait une place au milieu du quartier où on allait tous les flics allaient toujours contrôler les mêmes personnes et un soir j'ai pété un plomb j'allais les voir et je leur ai dit bonjour moi aussi je vais me faire contrôler. Et ils m'ont dit mais pourquoi, je leur ai dit bah parce que tous les soirs vous contrôlez eux, nous vous nous contrôlez jamais et en fait enfin moi j'avais juste envie de dire moi aussi je suis mineure, je bois de l'alcool, je fume des joints et c'est toujours pas légal hein. Enfin jusqu'à preuve du contraire, enfin même si j'ai un white passing copain je suis pas majeure, enfin dans tous les cas il y a un problème dans ta manière de c'est quoi tes critères sinon, voilà c'est ouais. Ça c'est que bon là si tu veux le oui c'est juste c'est ça c'est plus que visé c'est là on arrive à un point où tu le caches même plus donc ça devient gênant en fait enfin c'est et c'était normalisé c'était quelque chose où ils disaient genre oui mais forcément vous êtes pas concernés mais qu'est-ce que t'en sais en fait que je suis pas concernée et où, au final mais de quoi aussi puis de oui de quoi parce que tu fais pour prendre des papiers d'identité généralement il faut un truc particulier quoi. Oui, c'est ça. Et mais eux, dans ce quartier, même pas. Moi, j'ai grandi dans un quartier où les flics me disent tu te mets contre le mur, tu déposes ton sac, tu le vides par terre. Je le fais, je pose pas de questions. Je demande pas pourquoi. Et c'est aussi un truc où je pense que ça pourrait être une étude hyper drôle à faire. Tu vas à Châtelet, à Paris, tu demandes random à des personnes de se mettre contre le mur et de vider leur sac. Je suis pas sûre que tout le monde le fait aussi simplement. Moi, je suis arrivée à un stade de ma vie où de le voir faire et de l'avoir vécu, parce que les flics, des fois, partent aussi du principe que vu que j'habitais là, j'avais forcément quelque chose à foutre ici. Et donc me fouiller aussi, c'est ce truc où je posais même pas la question, quoi. Ils étaient tout le temps là, même là, aujourd'hui où j'habite, ils sont tout le temps là. Tous les jours, ils sont là. Tous les jours, il y a les camions, tous les jours, enfin... C'est un truc où c'est aussi une pression permanente, où tu les vois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc forcément, derrière, les jeunes, pour eux, c'est l'oppression permanente, c'est les flics. Et est-ce que, du coup, ton passing de... est blanc et de genre, etc., ça... Enfin, ça a aussi des impacts concrets dans la façon dont tu... a pu t'approprier l'espace ou mouvoir dans l'espace, parce que ça c'est un truc que j'ai vu pas mal revenir aussi que genre selon le genre et selon la couleur de peau et tout, il y a des espaces que tu peux moins, enfin forcément genre quand t'es associé à être un mec racisé, genre tu vas t'es sûr que tu vas te faire contrôler et tout, et du coup si t'es si on t'attribue le statut de meuf racisée, à l'inverse, il y a un peu cette injonction à moins sortir, du coup, machin, etc. Parce que, enfin, tout un tas de trucs un peu différenciés de façon de se placer dans l'espace. Enfin, je sais pas si tu veux capter ce que je veux dire. Mais... Si, en soi, après moi, à l'époque, j'avais un passing, du coup, de cis meuf blanche. Sauf que j'avais une grande gueule. J'avais vraiment une grande gueule. Et c'est ça qui me... Moi, c'est ça qui me caractérisait quand je bossais, en fait. C'est que... Et ça, pour le coup, la grande gueule, je sais que c'est le enfin c'est tout le côté de ma famille racisée qui me l'a donné, parce que c'est ce côté, genre, on t'écoutera jamais, donc parle fort. Tu te privais d'aller nulle part et de faire... Je me privais d'aller nulle part, et c'est aussi pour ça que j'ai fait mon coming out si jeune, malgré là où j'habitais et malgré le fait que je savais que ça allait pas être bien reçu. Moi, le jour où j'ai fait mon coming out, trigger warning, violence, très clairement je me suis fait péter la gueule, c'était au collège, mais sauf que pour moi c'était hyper important de le faire, parce que c'était ce truc de je vous mentirais pas en fait, et je me mentirais pas à moi-même, et je sais que vous allez pas l'accepter mais je m'en fous, et j'avais déjà ce truc très fort et d'être une très forte tête, parce que J'avais déjà en fait été très très ralentie par, par tout ça, par toute cette non-ouverture d'esprit ou ce clivage où il fallait être renfermé dans ce truc, où il fallait suivre les choses, être hétéro, bien pensant, bien dans ton corps, faire attention, enfin tu vois. C'est ce truc où on m'avait imposé tellement de choses que du coup, dès que j'ai compris que j'étais différent sur un certain point et que j'entrais pas dans les cases dans lesquelles on pouvait me rentrer à cette époque-là, parce que la communauté LGBTQIA+, chez les précaires, la vérité, c'est qu'il y en a quand même beaucoup. Et chez les précaires racisés, il y en a énormément. Il n'y a qu'à voir le magnifique cortège qu'il y a eu à Paris pour la Pride, qui, je trouve, est très parlant. Dans le sens où c'est des personnes qui sont pas médiatisées, qu'on voit pas, qu'on n'entend pas. Enfin, de plus en plus, mais malheureusement, toujours trop peu. Et le coming out dans ces milieux-là, il est aussi très compliqué, quoi. Donc c'est une bataille qui est totalement différente. Tout en pouvant être très violent aussi dans les milieux aisés, mais d'une... Oui, oui, c'est ça, tu vois, c'est que c'est pas, encore une fois, c'est pas les mêmes problématiques. C'est ça. Et pareil, je pense que c'est tellement différent que c'est pas forcément imaginable tant que t'en n'as pas parlé avec une personne concernée. C'est ce truc de... le vécu, le... Moi, comment... pourquoi ma mère était aussi... se cachait autant, je l'ai su parce que j'en ai parlé. Et parce que je lui ai demandé, en fait, mais pourquoi tu prends cette façade, pourquoi tu t'habilles bien pour venir me chercher à l'école alors qu'en vrai, on sait tous très bien que t'as trois t-shirts jolis, quoi. Et elle me disait, mais c'est aussi pour toi, c'est parce que si je veux qu'on t'invite, si je veux que derrière les parents, ils aient confiance, qu'ils aient envie que tu viennes chez eux et tout, faut pas qu'on te voit comme l'arabe de service qui va venir à la maison et qui va voler. Mais du coup, ta mère, elle la vivait comment? Parce qu'au final, là, tu décris un peu la dissonance cognitive. Parce que elle, ça se voyait qu'elle était racisée. Mais comment elle vivait cette charge-là en soi, parce que c'est clairement ce qui peut être perçu et ce qui peut être vécu aussi par ta mère, de devoir s'ajuster, de devoir faire une bonne figure, tu vois, donc à travers les vêtements, les quelques vêtements. Bah après, elle le faisait pour son travail aussi, enfin, en fait elle le faisait dès qu'elle sortait de la maison. Ok. C'était ce truc de... ma mère, quand à partir du moment où elle sortait de la maison, fallait pas que ça se voit. Et même si elle mettait une demi-heure à faire son trait de crayon noir avec le peu de crayon qui lui restait, fallait pas que ça se voit. C'est ce truc qui était hyper important pour elle. Elle en était à voler. Enfin, c'était ce truc où, enfin, elle volait des vêtements, elle volait des... Même moi, tu vois, elle me volait des vêtements, des trucs parce qu'il fallait que ce soit bien perçu, parce qu'il fallait que ce soit bien vu. Et au final, qu'on mange des pâtes matin, midi et soir, c'était pas si important du moment qu'une fois qu'on sortait de la maison, ça se voyait pas. C'était ce truc hyper important de commencer chez nous, c'est pas important. Il faut que quand tu sors de la maison, ça se voit pas. Par contre, t'inviteras jamais personne à la maison. Enfant capricieux, je suis le fils de Livia. La mintia qui fait proche de ma mère et moi, on dit bizarre. Maman, s'il te plaît, c'était ma phrase préférée, c'était aussi celle de mes 40 frères. Au magasin, on voulait tout, mais crois-moi, on volait rien. Car si maman nous voyait faire une queue que là, on voyait flou, c'était la honte, ça. En plus, dans le magasin, il y a toutes ses copines. Ouais, c'est la honte, ça. Alors, maman, c'est gosier. Et comment toi, tu le vivais, du coup? Bah, moi, c'était très compliqué parce que, du coup, je fêtais pas mes anniversaires, j'invitais personne chez moi. J'avais pas, en fait, ce truc de... Et j'ai perdu beaucoup de potes aussi comme ça parce que j'avais pas ce truc de retour possible. Je pouvais pas leur offrir des vrais cadeaux d'anniversaire parce que j'ai pas le moyen. Donc souvent je fabriquais des trucs, mais on va dire ça en fonction de la personne, ça passe plus ou moins le poème ou le dessin ou la photo que tu t'es fait chier à imprimer. Mais... Bref, genre c'est quelque chose qui passe plus ou moins et qui est plus ou moins compris. Moi j'avais beaucoup plus de notions de valeur, de temps et d'énergie que d'argent. Déjà très jeune, parce que du coup la notion de l'argent était très, pour moi c'était pour tout ce qui était matériel, et le matériel j'y ai jamais mis beaucoup de poids parce que j'en ai pas beaucoup, en fait j'avais le minimum, et donc mettre du poids sur le matériel pour moi ça avait pas de sens parce que c'était très aléatoire ce que je pouvais avoir de l'électricité une semaine c'était possible, la semaine d'après peut-être plus, enfin j'avais ce truc où je savais que tout pouvait changer en permanence et ça allait pas forcément s'améliorer. Et ce serait comme ça de toute façon. Et t'en as eu de la honte à des moments où tu le dissimulais? Ouais, peu, c'était compliqué de le cacher. Bah, en général, j'ai une pote qui l'a su, que j'ai rencontrée au collège à peu près. Donc j'avais 12 ans à peu près. Et elle, ça a été ma plus grande planque parce que même si j'avais pas d'eau chaude, même si j'avais pas de vêtements propres, je passais chez elle avant l'école, je me douchais, je m'habillais. Enfin, genre, ouais. J'avais ce truc, j'avais cet échappatoire en fait de... Mais du coup, c'est moi qui trouvais mes solutions tout seul aussi, quoi. C'était genre, fallait que j'arrive chez elle. Au début, je le cachais à ses parents, je voulais pas leur dire. Donc j'arrivais en secret chez elle, fallait que je me touche discrètement, fallait que je fasse tout discrètement pendant que tout le monde dormait pour ressortir. Enfin, j'avais ce truc aussi d'une vie secrète qui était assez énorme parce qu'il fallait pas que ça se voit, en fait. C'était ce truc de moi, on m'avait tellement dit faut pas que ça se voit que je me disais, mais en fait, je vais perdre tous mes amis si ça se voit. Il y a plus personne qui va vouloir me parler s'ils se rendent compte que, en fait, je mange pas des repas tous les jours et je peux pas tous les jours prendre une douche, c'est pas possible. Mais c'était des trucs qui étaient physiquement pas possibles. C'était pas un caprice, c'était pas la crise d'ado, c'était pas quoi que ce soit, c'était des trucs qui étaient physiquement pas possibles, mais que je voyais pas comment expliquer aux gens, et je voyais pas comment les gens pouvaient le comprendre, en fait. Mais toi, tu as toujours eu conscience de ça, de cette obligation de devoir faire autrement que ce que tu pouvais, ou est-ce que c'est d'abord implicite, puis à un moment donné, ça a été quelque chose de tellement visible, dans le sens où tu voyais ta mère te dire certaines choses, et est-ce que du coup c'est ces propos-là et c'est la manière dont ta mère a amené les choses que ça t'a juste mis dans ce déclic, et donc dans cette obligation de trouver tes propres solutions, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu te rappelles d'un moment où, parce que là du coup tout à l'heure tu disais c'était à 12 ans où j'avais cette amie qui m'aidait d'une certaine façon. Bah, je disais 12 ans parce que ça a été à peu près 4 ans, mais j'ai commencé à être indépendant financièrement à 16 ans. Ouais. Et j'ai commencé à travailler très jeune parce que justement cette précarité était très compliquée à vivre pour moi, de plus en plus compliquée. Et parce que je commençais aussi à avoir la pression du toit au-dessus de ma tête qui à tout moment pouvait m'être enlevé. Et du coup, j'ai commencé à travailler aussi pour ça, pour payer le loyer, en fait, hein, très concrètement. Donc j'avais ce truc aussi de il faut que je sois indépendant absolument financièrement, et grâce à cette indépendance j'ai aussi pu me détacher de tout ça. Mais pour moi, j'ai toujours été dans ce truc très très caché de on montre pas depuis que je suis tout petit, en fait. Mais du coup t'es dans un truc de on montre pas, alors que les autres personnes que tu côtoies sont à peu près dans la même situation sociale et financière. Pas forcément, parce que en fait, même dans la précarité, si tu veux, il y avait ce truc de il y avait quand même des bobos dans la précarité, ouais, dans le sens, il y a quand même des échelons qui comme la bourse, c'est ça, qui peuvent être plus ou moins marqués, et qui, quand ils sont marqués, tu peux pas trop te permettre de dire genre des choses du genre oh waouh, tu peux genre allumer ton four et tes plats en même temps. C'est un truc que je pouvais pas me permettre de verbaliser. Enfin, genre, les gens qui me disaient on va faire un gâteau et puis on va faire une omelette, je disais genre comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu me racontes là? En même temps? Ouais, ça. Et puis on va regarder la télé en même temps. T'as combien de prises chez toi du coup? Je comprends pas tout. Moi j'avais aussi ce truc où je savais très bien que je pouvais pas me permettre de dire ça, et j'avais aussi ce truc de je vais le planquer, comme ça on va mieux m'accepter et j'aurai accès à ce truc qui pour moi était tellement précieux. Enfin. C'était des moments où je mangeais des choses qui m'aient rien que ça. Moi, je sais qu'au niveau des papilles, ça a été un truc de ouf. Parce que du coup, j'ai commencé à découvrir des vrais trucs à des moments où on partait en vacances et il y a quelqu'un qui me faisait goûter quelque chose parce que... Ouais, elle est mignonne. Ou alors... des potes de potes, ou en allant quelque part, où je commençais à découvrir aussi plein de choses. Que ce soit, là, je disais nourriture, parce que ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Notamment le fromage. Je me rappelle que le jour où j'ai compris qu'on pouvait acheter du fromage à l'unité chez un fromager qui se rangeait dans un papier blanc et qui avait un petit gâteau, j'étais... Ouais, c'est j'étais genre, oh, waouh. C'est... Et vous choisissez... Il a un prénom, votre fromage, très bien. J'entends. Il faut le boire avec du vin. Le rouge. Moi, je connais que depuis combien à la maison. Ça coûte moins cher. Ça éclate plus les gueules, voilà. C'est ça aussi, c'est cette adaptation que j'ai jamais remis en question parce que j'avais pas le choix. Et du coup, je me suis pas posé la question avant de commencer à avoir de l'argent et de me dire « Ah, mais en fait, quand c'est moi qui gère mon argent, c'est aussi une manière différente de la gérer. Donc, je peux mettre l'argent où moi, j'en ressens le besoin. » Parce que c'est aussi ça aussi. C'est dans les milieux précaires, ce qui est compliqué aussi, c'est la gestion de l'argent. Oh oui. Moi, en l'occurrence, c'est aussi par un addict à plein de trucs qui faisait que... Déjà que tu gagnes pas beaucoup d'argent, mais alors le peu d'argent, s'il est investi dans un truc qui n'est pas rentable, en fait, hein, concrètement. Donc, qui est pour soi. Voilà. et qui est très auto-centré aussi, donc enfin moi c'était c'est mes maîtresses, elles me donnaient des cahiers et des stylos quoi, parce que j'arrivais avec mes stylos à moitié pétés et qu'elles étaient là genre mais non, enfin je non, j'étais genre bah si tu veux copine, mais j'ai que ça à la maison, enfin moi j'ai que des stylos qui sont utilisés et qu'on récupère les mêmes. J'ai bien commencé à me faire des tatouages genre de ta leçon, mais ouais, c'est ça, pas mais... tout de suite hein. C'est que bah là pour l'instant j'ai pas les outils, je les ai pas littéralement quoi, c'est c'est pas de pas avoir des outils, pas avoir l'ouverture d'esprit ou pas avoir l'envie, c'est pas ça la question, et c'est très peu ça la question en fait dans les milieux précaires, c'est plus elles n'ont pas les moyens, on leur donne pas l'ouverture, on leur dit pas mais tiens en fait tu peux essayer de faire ça, et même si ça coûte cher, même si ça paraît être quelque chose de très bourgeois et de très embourgeoisant, bah pas forcément, et notamment je pense à la musique et à tout le milieu artistique en général. Moi j'ai toujours voulu faire du cinéma et on me disait genre ah, mais non c'est un milieu de bourgeois, t'y arriveras jamais, et j'étais là, genre bah, c'est un milieu de bourgeois, maintenant on fait des films avec des iPhones quoi, enfin et sauf que ça c'est maintenant, là maintenant au jour où on parle et où YouTube ça a eu une expansion de ouf, on s'est rendu compte qu'en fait avec peu de moyens tu peux faire énormément de choses. À l'époque où j'ai passé mon bac c'était en train de se déconstruire, mais c'était pas encore vraiment ça. Et il y avait ce truc de j'ai eu beau avoir fait majeur de ma promo cinéma, en attendant j'avais pas les notes à côté, et du coup c'était ce truc de et comme tu pouvais pas te payer une école de ciné, exactement, parce que ça coûte 8000 balles par an, donc on va pas déconner. C'est des milieux qui sont embourgeoisants mais qui le sont dès le départ en fait, qui laissent aucune chance à d'autres personnes, ou alors qui vont laisser trois parents en fonction d'un concours, mais le concours il faut que tu puisses avoir une machine à courte chez toi, ou que si par exemple parce que je pensais à la couture parce qu'il y a une école qui fait ça à Paris, moi pareil j'avais c'est ça tu ça vois marche. J'avais une pote qui me disait mais si mais regarde c'est inclusif parce qu'il y a un concours, ouais mais le concours en fait si t'as pas le matos chez toi, si t'as pas la possibilité de travailler chez toi, c'est aussi ce truc là, c'est et le temps en fait, surtout ouais, le temps. Chez les personnes racisées précaire. C'est ce truc de dire mais en fait est-ce que t'as les moyens, est-ce que t'as le temps et est-ce que t'as la possibilité de le faire, est-ce qu'en fait quand tu rentres chez toi c'est assez calme, est-ce que légitimité aussi de te dire que tu vas pouvoir le faire, et en sachant que dès le départ on te dit bah non genre tu peux pas. C'est ça, c'est ce truc où on dit ah mais de toute façon t'es dans tel collège, bon bah t'iras pas bien loin, ah faudra que tu fasses attention dans ce collège, faut pas que tu ramènes des trucs trop précieux et tout sinon tu te fais racketter, mais forcément tu les mets dans la case, ils vont pas en sortir. On leur donne pas d'autres possibilités, on leur donne juste cette case là de chieurs dealers qui tiennent les murs. Bon bah ok, on sera des chieurs dealers qui tiennent les murs, mais pose un micro au milieu et tu verras quoi. Enfin c'est un truc où où c'est aussi un demande d'attention qui est assez fou. Enfin là, je pense à moi à la squale parce que c'est un truc qui m'a marqué, mais parce qu'il vient de la cité où j'ai grandi et qui, quand il est revenu, a directement fait tout un truc avec les flics. Et j'étais juste là, genre, en réalité, quand ils habitent, tu sais qu'ils viennent pas non plus te chercher. Donc, c'est soit tu les as appelés parce que tu voulais aussi faire le buzz et du coup, tu profites de ça. Ou alors, c'est ce truc de t'as l'impression que dès que tu retournes là-bas, t'es plus protégé et tout le monde te retombe dessus. Et c'est soit tu le provoques. Là, en l'occurrence, c'est soit tu le provoques, soit on sait que tu retournes là-bas et que là-bas, t'es à nouveau inoffensif, entre guillemets, parce que la réalité, c'est que le monde, il est tellement différent là-bas que ils la créent, leur défense. Enfin, c'est un truc où... Enfin, moi, je pense que le nombre d'armes, qu'elles soient blanches ou à feu en cité, elle est très peu considérée. Hein. Mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Enfin, tu vois ce qui est sur quoi se on leur tire dessus avec des trucs... qui sont même pas du tout légales encore, machin. Et tous les... Enfin, oui, enfin, c'est un vrai... C'est un génocide, quoi. Enfin, genre... Et après, tu parlais aussi au début, surtout des parents. Et c'était quoi, enfin, les jobs, surtout et tu parlais surtout des mères et du fait que les pères étaient peut-être moins là et tout. Enfin, ou qu'ils arrivaient surtout pour genre, les trucs de conflit ou des... C'est ce qui était surtout pensé, c'était pas la réalité forcément. Mais du coup, quelle était la réalité ? Ils étaient où les pères, les mères, qui faisaient quoi comme... Il y avait, franchement, il y avait tout, mais c'était beaucoup des. Si c'était pas des. Après, c'est des trucs que j'ai compris en grandissant et en travaillant du coup aussi dans ces milieux. Mais là, je me suis rendu compte au fur et à mesure que si c'était pas un travail qui semblait précaire, c'est le contrat qui l'était. Mais qu'il y avait toujours quelque chose de très précarisant en fait. Si c'était pas des agents d'entretien dans les bâtiments. Et que on me disait que c'était des cuisiniers, et que du coup je me disais oh cuisinier ça se la pète un peu comme titre et tout, oui en fait c'était cuisinier en extra qui était appelée une à 7 fois par semaine, mais qui savait pas vraiment quand elle était appelée, qui savait pas vraiment quand elle allait travailler, et qui du coup pouvait pas avoir de salaire fixe sur le mois. C'est aussi ça qui était très précarisant. Après, dans les métiers, je sais qu'il y avait beaucoup, et ça, enfin, c'est très stigmatisant et dans les clichés, mais il y avait beaucoup, beaucoup de pères, notamment dans les bâtiments. Et qui arrivaient en tenue de chantier à l'école, qui avaient des cernes pas possibles de fatigue. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillaient dans le bâtiment et qui... C'était pas... travailler ensemble dans les mêmes entreprises, beaucoup, certains, ou c'était certains, assez ça arrivait. Ça arrivait pour certains, et dans ce cas-là, c'était encore des cercles encore plus fermés. Ouais. Parce que, du coup, les parents travaillaient sur le même chantier ou avec le même employeur, donc le week-end. Quand les parents étaient en week-end, les enfants se retrouvaient avec les parents, que ce soit au parc ou quoi. Et du coup, c'était encore un autre clivage de « Ah bah, ton père, il travaille à tel endroit, ah bah, le mien aussi. » Ou « Ah bah, ta mère, elle est secrétaire dans telle boîte, ah bah, ma mère, fait le ménage là-bas. » Il y avait aussi ce truc assez fou des agents d'entretien des écoles qui étaient les parents des fois des enfants des écoles. Quelque chose qui en réalité arrive pas non plus n'importe où, mais ça c'est quelque chose que j'ai mis très très longtemps à comprendre, que en fait c'était pas forcément normal de connaître tous les agents de cantine parce que c'était les parents de tes potes en fait, et que dans plein d'écoles c'est des personnes dont on sait rien en fait, alors que moi bah je les connaissais, je leur disais bonjour. Je les voyais le week-end au parc, enfin, c'était des personnes que je côtoyais au quotidien, et pas que parce que c'était des agents de cantine ou des agents d'entretien dans l'école. C'était des personnes qui vivaient avec nous et qui faisaient partie du cercle en fait, dans lequel on évoluait, aussi bien à l'école qu'en dehors de l'école. Et je pense que c'est ça aussi, ce côté-là, c'est que même dans les métiers des parents, dans ces quartiers-là, c'est souvent dans le même quartier. Si ton père ou ta mère travaille en boulangerie, ce sera souvent la boulangerie du coin. Ça reste souvent quand même assez dans le quartier. Après, pour tout ce qui est, ce que je disais, tout ce qui est chantier et tout, bah, ça bouge en fonction d'eux. Mais je sais qu'il y avait souvent les parents qui étaient caissiers, caissières au Carrefour, au Lidl du coin ou au Franprix. Hôte ou hôtesse de caisse. Hôte ou hôtesse de caisse, ouais. Ou alors des mères, plusieurs mères qui travaillaient dans les hôtels. Enfin, il y a que ça, des agents d'entretien. La vérité, c'est qu'on a beau... on a beau se poser, on a beau être dans un milieu précaire, c'était beaucoup plus les mères qui le faisaient quand elles le faisaient que les pères, et c'était beaucoup de nuit. Enfin, y a aussi beaucoup ce truc de qu'est-ce que le travail de jour, qu'est-ce que le travail de nuit, et avec leur contrat et plus ou moins légaux, il y avait quand même beaucoup de parents qui travaillaient de jour et de nuit en fait, et qui passaient, genre qui rentraient chez eux 4-5 heures par jour et qui du coup dormaient. Et où du coup les parents, enfin les enfants n'avaient pas leurs parents parce que les parents travaillaient toute la journée. Il y avait aussi tout ça qui rentrait dans les quartiers aussi parfois plus riches d'à côté. Oui. Ouais, ça arrive, ça arrive. Puis il y a un truc aussi avec les... plus ça va et plus il y a les mesures de flexibilisation du travail, de précarisation en fait. Et moi en fait, il y a vraiment un truc que j'avais lu que... Bah, par exemple, quand il y avait eu les premières grosses vagues d'immigration à l'appel de la France, et notamment algérienne, etc., pour travailler dans le bâtiment, pour des chantiers, etc., bah, au moins, en fait, du coup, il y avait une espèce de cohésion et de force de... Bah, c'est le syndicalisme, quoi, mais la force d'opposition et de solidarité, etc. Et plus on va vers des trucs de service, et plus on va vers des trucs complètement délités avec des horaires... où tu croises plus du tout les autres personnes, etc., les collègues, etc. Et plus, en fait, ça casse aussi ces dynamiques. Et en vrai, c'est des vraies pensées genre de politique aussi pour casser les dynamiques communautaires et tout, de soutien entre familles, etc. Et pour... Enfin, il y a à la fois le stigmate du parent qui, du coup, est pas là, etc., ou qui s'en occupe pas. Et en même temps, il y a moins cet appui, cette solidarité entre personnes au sein de l'entreprise, mais aussi au sein du quartier, ou au sein de genre se relayer pour aller chercher les gosses ou des trucs comme ça. Et qu'en vrai, plus on avance dans des trucs genre néolibéraux et tout, plus le changement des conditions de travail, ça change tout sur les conditions de la famille et de... Ouais, ça joue énormément. Et sur, rien que sur la fatigue, sur des trucs comme ça, entre le fait... Tout à l'heure, tu disais dans les quartiers aisés aussi, moi, j'entends très bien le côté aussi, les quartiers aisés, les parents peuvent beaucoup travailler, mais je parlais du fait que les parents des quartiers précaires allaient travailler dans les quartiers aisés, en gros, nettoient les merdes des gens plus aisés qui délèguent ça, quoi. Mais parce que oui, même s'il y a des... Je suis en train de dire qu'il y avait des mères qui étaient femmes de ménage d'autres parents, en fait. Ouais. Donc c'est aussi une condition qui est assez particulière de dire bah ton enfant il peut être ami avec le patron, enfin avec ton patron quoi, en fait concrètement. Mmh. Avec enfin c'est un truc où c'est très compliqué je pense aussi du coup de faire la part des choses parce que tout se mélange très vite et que c'est compliqué de tout mettre à égalité et c'est très enfin c'est aussi une position de puissance des personnes plus aisées dans ces quartiers-là d'imposer leur mouvement et leurs choses. Enfin moi je vois très bien que dans ce quartier tu vois tout ce qui était animation, choses comme ça, si c'était pas des petites assos semblables à celles dont j'ai fait partie à un moment, c'était beaucoup de trucs qui étaient comment expliquer, qui étaient très embourgeoisés dans le sens où en fait, en fonction de qui organisait, le prix de la bière passait de 3 euros, enfin de la bière ou du thé, passait de 3 euros à 6 euros. Tu vois, il y avait aussi ce truc de. On était dans un quartier où tout était flexible très vite. T'allais de la boulangerie qui était en bas du quartier où tu payais 80 centimes ta baguette de pain, tu remontais, elle était à 1,20 euros, tu vois. Enfin, c'était ce truc-là aussi de. Le quartier tentait de faire une espèce de gentrification qui n'était pas du tout bien gérée, où du coup, t'avais aussi tout le monde qui se mélangeait dans ce truc-là de. Les vraies personnes qui étaient bourgeoises et qui avaient les moyens, les fausses qui du coup allaient faire leurs courses discrètement en bas pour remonter et faire moi aussi j'ai des gros sacs de courses. Ce truc aussi de planquer, tu vois, quand c'était pas de la marque, quand c'était pas. Enfin, moi mon goûter je l'ai toujours eu dans un tupperware, mes pains au lait, pour pas montrer que les pains au lait c'est pas des bitches, tu vois. Enfin, genre, c'est ce truc là aussi de pas montrer d'où ça vient, de pas montrer que. Même si ça sait, de pas montrer que tu les as pas les moyens. Alors que ça sait et que c'est quand même quelque chose qui est su, puisque finalement, bah, ou les parents, tu les vois bosser autour de toi, ou alors bah, tu finis par être au courant, ou ça se sent. Et ça crée des. Enfin, c'est une façon vraiment de créer aussi des micro-rivalités, et toujours des conflits d'intérêts, de loyauté aussi. Enfin, parce que dès que du coup, tu t'accèdes un peu, genre, tu montes à la rue d'au-dessus, et genre, c'est un peu plus cher, un peu plus truc, bah, du coup, ouais, tu deviens. Enfin, tu trahis quelque chose aussi. Enfin. Et ça empêche, enfin, c'est vraiment casser toute perspective de solidarité possible à terme, quoi, qui s'afflige. Mais qui est des vrais trucs, enfin, souvent, enfin, la gentrification, c'est. Enfin, c'est des politiques vraiment pensées, qui ont été pensées par l'État pour casser tout ça. Enfin, c'est pas juste un effet de causalité, quoi, genre, c'est pas une conséquence. Et c'est des trucs qu'on retrouve partout. Et je sais que je l'ai lu récemment du coup sur la manière dont ça avait été géré les politiques d'urbanisme et tout et pour casser justement les cités etc et les solidarités qu'il pouvait y avoir, mais en fait c'est un truc que j'avais vachement que j'ai vu pour la première fois en Amérique du Sud quand je faisais mes enquêtes de terrain et en discutant et tout avec il y avait les entreprises extractivistes qui venaient genre dans les communautés genre de nationalité indigène etc et qui recrutaient des ouvriers qui cassaient les dynamiques et c'était des vrais trucs pensés conscients pour casser les dynamiques au sein des foyers entre les communautés pour donner un peu plus de sous à telle personne pour qu'elle s'élève et pour enfin oui, qui est carrément une rupture dans la même communauté. Après c'est ça qui est drôle, c'est qu'au final l'État au départ justement a créé les quartiers puis maintenant créer justement la gentrification. Ouais. Enfin, en fait, il y a toujours. C'est juste que les quartiers sont poussés toujours bien plus sûr. Loin. Mais ils sont toujours là et invisibilisés. Et après, le côté du matériel aussi a grave d'impact dans la rivalité. Genre, de plus tu offres des trucs de vitrine, de marque, etc. pour créer ce truc. Enfin, moi, je me souviens qu'en Équateur. À chaque fois dans mes entretiens, ce qui revenait, c'était mais en fait, avant que genre la minerie, genre que l'entreprise et tout, elle arrive, et que, je sais pas, les premiers jeunes du coup soient recrutés un peu en dehors de la communauté, etc. Et là, on avait rien à foutre de des marques ou des trucs comme ça, enfin, genre juste tout le monde avait les mêmes trucs de base, donc voilà, mais en fait, à partir du moment où on leur a montré ça et on leur a amené des. Enfin, le fait que tel truc était plus valorisé que tel autre truc et que en fait en Occident ça se passait comme ça et que du coup valait mieux être comme ça bah de suite enfin du coup ça il y avait celles qui pouvaient se l'octroyer, celles qui pouvaient pas y aller et ça faisait des espèces de trucs et le matériel était genre survalorisé alors que bah de base il n'y avait pas nécessairement besoin. Mais tu crées la consommation. Bah tu crées le besoin qui et en même temps tu enlèves ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire d'autres trucs. Bah oui, on va pas, tu vois, genre en vrai on va pas investir dans les infrastructures, dans le terrain de foot qui est complètement pété, etc. Bah comme ça, bah parce qu'en fait on a pas, enfin tous les trucs qu'il y a déjà, on les maintient pas. Enfin il y a le truc de manque d'ouverture comme tu dis, mais il y a aussi le fait de laisser de façon consciente les trucs se délabrer pour que genre juste en fait ça... Bah... Ça donne une image du quartier aussi, tu vois, c'est que quand tu passes le quartier, il est pas cœur. Et donc t'as pas envie de t'arrêter, et donc t'as pas envie d'aller parler aux gens, et donc enfin tu vois, il y a tout ça aussi, c'est ce côté... Bah quand il passe, t'as pas envie d'aller discuter avec les gens, t'as pas envie de t'arrêter parce que le quartier paraît pas accueillant, entre aller à Châtelet où t'as des petits arbres partout tout coupés, je parle beaucoup de Paris parce que je viens de là-bas, mais où t'as les arbres tout coupés, et moi quand j'habitais à Ivry et que c'est pas les arbres tout coupés, c'est le périphérique et les grosses voitures qui passent et c'est tout, bah mes potes ils venaient même pas me voir quoi, parce que c'est glauque ton quartier en fait. Bah ouais, je sais qu'il est glauque, j'y habite et je suis pas bien quand je rentre tous les soirs, ouais je sais qu'il est glauque. Bien sûr qu'il est glauque, mais j'ai pas le choix. Parce que moi, ça a été émancipation puis logement d'urgence. Et du coup, le logement d'urgence, c'était là où il y avait de la place. Et donc, on m'a juste déplacé d'une cité à une autre, sans se poser de questions. Mais pareil, c'est quelque chose qui se pose pas dans les dualités aussi entre cités, où ça peut être vachement risqué d'aller envoyer un jeune de manière un peu random dans une autre cité. Nous, c'est des choses qui se passaient, parce qu'entre La Banane et Belleville, c'est une guerre qui dure depuis des années. Mais c'est à un point où, quand ça commençait, moi, je me rappelle, étant jeune, t'as les bars qui invitent tous les passants à se mettre dans les bars et qui ferment les rideaux de fer, et tous les bars ils ont un rideau de fer. Moi c'est un truc, là quand je suis arrivée à Bordeaux et que je me suis rendu compte que tous les bars avaient pas un rideau de fer, je fais oh waouh. Parce que pour moi c'est le truc où genre si tu veux pas te faire casser ta vitrine, t'as un rideau de fer, sinon le lendemain tu rentres, y'a plus rien. Et c'est pas normal, c'est quelque chose dans lequel t'es élevé, que tu vois tout au long de ta vie, et du coup quand tu grandis tu te dis genre soit t'as la possibilité pour moi d'aller voir ailleurs. Que ce soit capacité mentale aussi, parce que c'est pas facile pour tout le monde de se dire bah je dis au revoir à tout ça, je dis au revoir à tout ce que j'ai toujours connu dans ma vie, je dis au revoir à tous les codes qu'on m'a inculqués pour essayer d'en apprendre des nouveaux dans lesquels je m'épanouirais peut-être plus. Moi c'était un truc aussi où je me disais bah j'ai peur qu'on m'accepte plus maintenant dans les cités, parce que maintenant quand notamment j'ai commencé à faire tous mes tafs de com et que j'ai commencé à devoir, enfin je rentrais chez moi, j'étais en tailleur quoi, enfin ouais, ils me regardaient plus pareil à cette période-là, et ouais, ils m'ont posé des questions. Mais qu'est-ce que tu fous de tes journées, en fait? T'es une vendue. C'est comme, tu sais, t'es une vendue. C'est ce truc de genre, mais t'allais bosser ailleurs, t'allais te vendre ailleurs. Bah ouais, mais en fait, on se vend tous, et puis peut-être qu'à côté, ça paye mieux. Du coup, je vais aller voir à côté. Je voulais pas en essayer d'y aller à plusieurs, et comme ça, on se mélange. Sauf que pour eux, non, parce que c'est ce truc de... On nous a pas dit qu'on pouvait aller ailleurs. Et en fait, c'est ce flip aussi, un peu, d'aller ailleurs. On dit ils tiennent les murs, oui, mais ils tiennent toujours les mêmes murs, ils vont pas tenir d'autres murs, c'est pas pour rien. C'est des murs qu'ils connaissent, c'est des endroits qu'ils connaissent, c'est ce truc où... ouais, bien sûr que le dealer, tu vas pas le voir tous les jours à un nouvel endroit quand c'est un dealer de rue. Parce que dans la rue, il a ses plans, il a ses potes, il sait exactement quand les filles arrivent, quel siffleur lui dit quoi. C'est une organisation qui... Tu t'y penches, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou malade, moi, en y habitant, j'ai pris le temps de regarder et je me suis dit, waouh, en fait, c'est une organisation qui pourrait être faite dans des entreprises et ça marcherait à merveille quoi. Parce que il y a chacun a son rôle, et on t'y met dès que t'es tout petit, parce que pour l'argent de poche tu peux livrer ce sac de là à là, bah vas-y je te file 10 balles, et ça commence comme ça, et t'as 10 ans et tu fais le sac de là à là, on te file 10 balles, tu vas acheter des bonbons et en fonction de ce que t'as envie de ta relation avec tes parents, peut-être un truc pour tes parents, et puis ça commence comme ça, et au fur et à mesure on dit ah mais je peux te donner plus de thunes. Et nous, il y avait notamment beaucoup de problèmes de nourrice dans notre quartier, où c'est des jeunes mineurs qui sont dans des chambres d'hôtel pour garder toute la drogue en fait qu'ils vont vendre, que ce soit dans la semaine, dans le mois, ça dépend des arrivages. Et en échange de ça, il a coke, crack, pute, alcool, tout à volonté. Sauf que le jeune, des fois, il a 16 ans, quoi. Mais il est tellement précaire qu'il a tellement jamais rien eu dans sa vie que lui, tu lui dis, t'as une chambre d'hôtel et tout à volonté, bah, il préfère sacrifier chez lui, donc lui, il voit pas où il est le mal. Moi, on m'offre... Moi, j'ai un jeune qui m'avait répondu. On m'offre une semaine dans un hôtel, pourquoi je dirais non? On dort à 6 dans la chambre où je suis. Tu dirais non, toi? Tu le regardes, tu fais... Je sais pas. Je sais pas si je dirais non. Moi, j'ai eu la chance d'être enfant unique, donc je sais pas, j'ai jamais été assise dans une chambre. Peut-être que moi non plus, j'aurais pas supporté, j'aurais préféré la chambre d'hôtel, j'en sais rien, tu vois. C'est ce truc aussi de... d'essayer de trouver leur place et leur liberté, je pense. Et que c'est vraiment pas facile, et du coup, ils creusent, ils poussent et ils se mettent là où ils peuvent. C'est pas toujours habile, c'est pas toujours le plus sain, le plus safe, mais c'est essayer de vivre avec le peu de cartes qu'on leur donne. Et les cartes qu'ils connaissent aussi, parce qu'il y a plein de trucs qu'ils connaissent pas. Je sais que des travailleurs sociaux, il y a plein de trucs, il y a plein de droits qu'ils ont qu'ils connaissent pas. Mais je sais pas, donner des moyens, ramener des caméras dans les quartiers. Mais pas les des caméras. Pas caméras de surveillance. Ah ouais, non, il y en a assez. Des caméras pour aussi, je veux parler d'un truc. Ah yes. Sur Paris, après le match de foot, ils ont évacué les quais avec les grosses enceintes qui font des larcènes. Ça a fait tout un truc, on a eu je sais pas combien de vidéos, tout ça. Ces enceintes-là, ils les ont mis dans toutes les cités parisiennes. Au début du XXe siècle, pour empêcher les jeunes d'être en bas des bâtiments. Et moi, j'ai entendu ces bruits toute mon enfance. Donc les gens qui crient et qui pleurent parce qu'ils ont eu 30 minutes sur les quais, je vous emmerde. Parce que c'est un truc qu'ils mettaient, mais partout. Ils ont fait des tests dans... Et Paris-Est, on a été très... Paris et Jean Jaurès, pas mal aussi. Ils ont pas mal fait des tests sur les quais là-bas. Parce que il y a eu la colline du crack qui à un moment était pas là, enfin bref. Notamment tout ce qui est deal, tout ça en bas des bâtiments, t'avais pas que les caméras, parce que les caméras se faisaient péter très vite ou gazer très fin ou peindre très vite. Ils avaient mis ces enceintes avec des larcènes insupportables parce que toi t'es jeune, donc t'as des bonnes oreilles. Nous on est des vieux cons, on n'entend rien, donc il y a que toi qui l'entends le larcène. Moi j'ai jamais réussi à savoir si mes acouphènes venaient de là ou si je les avais toujours eu. Tellement, c'est des sons que je les entendais pas toute la journée, mais tu les entends de manière régulière, comme la sonnerie des flics. C'est un truc que je banalise, moi. Parce que... C'est hyper anxiogène. Mais moi, je le banalise, je l'entends tout le temps, mais même encore aujourd'hui chez moi, ils viennent tous les jours, et tous les jours, ils la mettent, la sonnerie, mais au moins un coup. C'est ce truc de... C'est comme la guerre. Genre, ouais. t'as ce bruit. Et puis ils arrivent, même dans leur manière d'être. Par le son, par le fait d'être là. Tout le temps et tu l'entendais chez toi fatiguée. Dans quel chez moi là où j'habitais quand j'étais jeune ouais, à ce moment-là. Quand j'étais petit, on les entendait passer parce qu'ils passaient par notre rue pour y aller, mais moi j'étais juste au-dessus de la cité. Donc non. Et après, quand j'ai déménagé et que je suis allée dans une autre cité, le soir, des fois, ils rentraient derrière moi pour aller fouiller le bâtiment, donc je le voyais tous les jours. Et là-bas, de toute façon, j'habitais à côté du périph', donc le périph', tu les entends tout le temps. Et tu vois, même à l'intérieur de chez. De tes propres murs, tu entends genre... Ah mais oui, enfin, de toute façon c'est un truc où moi je l'ai toujours entendu les flics, j'ai toujours, le fait de se faire gazer, moi c'est un truc, je me suis pas fait gazer en manif, la première fois je me suis fait gazer en bas de chez moi, parce qu'il y avait un regroupement et qu'ils voulaient pas qu'il y ait un regroupement, et du coup c'est gaz lacrymo direct, et on réfléchit pas, et oui il y a beaucoup plus de violence aussi dans ces quartiers-là, parce que la violence... Merci de le préciser. Les personnes précaires, les personnes racisées, la violence. Non, on arrête avec tout ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute cette autorité violente qui est autour de toutes ces personnes qui fait que tu ne veux pas te mettre contre le mur, on ne va pas te redemander gentiment, on va te plaquer contre le mur. Tu ne veux pas ouvrir ton sac, on ne va pas dire j'ai pas le droit d'ouvrir ton sac. Ça, je l'ai appris, j'avais 15-16 ans, qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir mon sac. Moi, les flics, ils prenaient mon sac, ils le retournaient, ils le jetaient par terre. Et ils le vidaient par terre, et peu importe ce qu'il y avait dedans, ça tombait par terre. C'était un truc où, peu importe, c'est eux qui décident, c'est eux qui font la loi. Dans ces quartiers-là, ils te le disent eux-mêmes. Je fais ce que je veux, c'est mon quartier. Et ils le disent, c'est mon quartier. Et c'est aussi cette appropriation de... Ok, non, c'est pas ton quartier, c'est mon quartier, parce que moi, j'y habite, toi, t'habites pas là, je te vois pas quand t'es pas en service. Mais d'ailleurs, je sais que t'habites pas là. Est-ce que tu as remarqué qu'au final... c'était les mêmes personnes, plus ou moins les mêmes patrouilles, et donc les mêmes flics qui du coup faisaient le tour de ton. Ça démissionnait énormément, et j'ai su ça parce qu'il y a un soir où j'ai fait la rencontre de flics pour un événement. Pour un événement qui avait rien à voir avec toute la précarité, ma foi, enfin, si peut-être une autre. Cette fois-là, les flics nous avaient aidés, sûrement parce que j'étais qu'avec des personnes qui avaient un passing blanc. je viens de faire un sourire narquois. Voilà. Soir-là. Après, il faut utiliser ces peu de privilèges parfois. Oui, mais là, en l'occurrence, tu vois, en parlant avec eux et en leur disant, mais En fait, bonjour, j'ai 18 ans, c'est la première fois que je parle avec l'un d'entre vous, en fait. Donc, c'est pas trop compliqué aussi de bosser dans le quartier, c'est pas trop... Et de leur dire, mais en fait, je comprends pas, je vois jamais les mêmes personnes. Il y a un moment, mon boulanger, je peux lui dire bonjour, je connais son prénom, je sais qui c'est. Et je le vois tous les jours. Je le vois tous les jours, mais vous êtes jamais vous tous les jours, c'est jamais la même personne. Donc c'est que ça démissionne, c'est qu'il y a des trucs qui bougent. Et évidemment que c'est pas facile d'être dans un quartier où dès que tu descends de ta voiture en tant que flic, tu te fais éclater. Bah oui, mais ils se sont fait éclater pendant combien d'années avant eux? C'est ce truc de même les personnes qui se disent bon flic, parce que moi j'en ai vu beaucoup aussi, qui se disaient bon flic et qui disaient non mais nous on veut vous aider, on veut vous faire avancer, on veut faire des choses pour vous, et c'est aussi pour ça mais qu'on se comporte toi. Comme ça. De leur dire mais tu te rends pas compte, avec, après des années d'oppression où tu peux rien faire sans qu'on t'arrête, sans qu'on te... On te demande de rendre des comptes, forcément que derrière j'ai pas envie d'être gentil avec toi. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, il y a une musique qui est sortie il y a pas longtemps. où dedans il dit les rara. Ils disent dans ma cité on dit rara. Il se trouve qu'il y a beaucoup de filles qui ont dû se déconstruire sur ce terme pour comprendre que ça voulait quand même un peu dire acab en gros. Parce que après les poulets, les chicken, les KFC, tous leurs jolis noms, les porcs aussi. Ils ont fini par mettre les rara. Il faut savoir que si vous entendez ça, c'est aussi un synonyme de acab. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci à toi. Merci. Des bisous. Dans la zone, on voit la drogue, ça fait TP, ça crie ara. Et dans le hall, je suis sous piche, je suis sous terre, sans la vodka. RS3, 4 cagoules, le traceur cherche le AK. 5 Chanel, MDNGO, Magadji, c'est Petrushka. Dans son livre, Fatima Wasak met en avant l'enjeu, qui serait fondamental au sein des classes défavorisées, de réinvestir le rôle de la famille, d'en refaire un socle de soutien et de résistance face au classisme et au racisme extérieur. Elle rappelle les solidarités historiques et extrêmement ingénieuses qui se sont mises en place dans les quartiers populaires depuis leur création. Contre les stigmatisations et l'assassinat des jeunes assignés et perçus comme garçons racisés des quartiers, elle rappelle la peur viscérale des mères de ces 10 garçons face à la répression meurtrière et quotidienne des policiers à leur égard, et ce, dans la plus grande banalisation médiatique. Elle développe le concept de désenfantisation pour parler de ces gosses des quartiers populaires, traqués, humiliés, violentés jusqu'à la mort, toujours suspectés comme étant d'abord des délinquants, sans plus aucune considération de leur statut d'enfant et de tous les droits qui devraient en découler. Lire son témoignage m'a fait un effet similaire que ma lecture de nombreuses autres autrices et mères racisées, telles qu'Audrey Lorde et Maya Angelou, qui, elles aussi, mettent en avant leur peur et leur rage face au racisme qui touche leurs enfants, et notamment à la menace de mort continue qui plane sur les assignés ou perçus comme garçons racisés. Dans l'ensemble de ses écrits, j'ai été frappée par l'importance donnée au maintien de la confiance entre mère et fils, passant par un soutien et une écoute essentielle face aux discriminations et aux accusations qu'essuient ses enfants. Dans le milieu privilégié dans lequel j'ai évolué, je n'ai jamais ressenti une telle préoccupation de la part de mes parents, sûrement tout à leur propre croyance en termes de justice et de sécurité, qui même à mesure que je peux... moi aussi, par mon militantisme, m'exposer à un nombre croissant de violences, elles, eux, ne le réalisent pas. Cela ne fait pas partie de la manière dont elles ont appris à appréhender le monde, c'est-à-dire pas à l'aune de la peur pour soi et pour leurs gosses, face à l'ensemble des institutions. À l'inverse, des autrices noires telles qu'Audrey Lorde ou Maya Angelou mettent en avant l'importance de l'écoute et de l'échange entre parents et enfants de groupes minorisés autour des discriminations vécues dès le plus jeune âge. C'est également un sujet central dans le militantisme de Latifa Ibn Ziaten, fondatrice de l'association IMAD, du nom de son fils assassiné par l'islamiste extrémiste Mohamed Merah en 2012. L'importance de l'amour parental, ici maternel, est souvent mis en avant par elle comme particulièrement essentielle pour lutter contre des violences et les tentations de radicalisation au sein des groupes minorisés. Cette même valorisation de l'amour maternel, qui est du même temps fortement réutilisée par les groupes dominants au pouvoir pour faire encore et toujours des mères des quartiers les principales responsables de ce qui arrive à leurs enfants. Or, les mères des enfants désenfantisés, pour reprendre l'expression de Fatima Wasak, n'ont jamais attendu d'être mobilisées par les pouvoirs publics. Le fait que leurs conditions de vie les emploient massivement à l'extérieur de leurs propres cellules familiales pour venir s'occuper des autres espaces urbains et ou des enfants des milieux plus privilégiés, de l'outre-mer à l'Hexagone, des banlieues aux quartiers pavillonnaires, etc. Tout ça ne les empêche pas de se mettre en quatre pour pouvoir quand même offrir le meilleur à leurs gosses. Et ce furent d'ailleurs ses mères ou ses parents, les premiers, eux, historiquement et internationalement, à mettre leur corps en jeu pour protester contre les violences, voire les génocides faits à leurs enfants. Tant que je serai noire, page 62. La mère de couleur appréhende la destruction derrière toutes les portes, la ruine derrière toutes les fenêtres. Elle se méfie de tout, y compris d'elle-même. Elle se demande si elle aime assez ses enfants, ou éventuellement, encore plus terrible, si elle les aime trop. Elle se demande si son apparence les plonge dans l'embarras ou pire, si elle est séduisante au point où son fils la désire et où sa fille commence à la détester. Si elle est célibataire, les défis lui semblent encore plus insurmontables. Son statut indique qu'elle a quitté son partenaire ou qu'elle a été abandonnée par lui. Pourtant, elle élève des enfants qui, un jour, seront en couple à leur tour. Dans le monde extérieur, les enseignants, les médecins, les vendeurs, les bibliothécaires, les policiers et les travailleurs sociaux, tous blancs, régissent les humeurs, les conditions de vie et la personnalité de sa famille. À la maison, pourtant, elle doit exercer une autorité qu'un coup de fil ou une visite impromptue risque à tout moment de compromettre. Confrontée à de telles contradictions, elle doit assurer une stabilité qui réconforte sans suffoquer et dire toute la vérité au sujet du pouvoir des Blancs, sans laisser entendre que l'ordre actuel est immuable. Fatima Ouassak mobilise à ce titre l'héritage inspirant de plusieurs mobilisations de mères, toujours présentées comme folles. Celle de la place de Mai en Argentine, qui tourne encore chaque jeudi pour demander vérité et justice sur les enfants qui leur ont été volés lors de la dictature de la dernière junte militaire entre 1976 et 1983. Des mères que j'ai moi-même rencontrées lors de mon voyage en Argentine. Fatima Ouassak rappelle également la mobilisation des folles de la place Vendôme qui demandèrent à Paris, elles aussi, vérité et justice pour leurs enfants assassinés par l'institution policière. Pour ma part, lors de mes voyages et travaux d'études en Amérique du Sud, et notamment auprès de communautés rurales et souvent de différentes nationalités indigènes en Équateur, j'ai pu rencontrer de nombreuses femmes qui luttaient elles aussi depuis leur position de mère contre les entreprises extractivistes qui divisaient leur famille et menaçaient la vie de leurs enfants. Concernant le concept même de désenfantisation de Fatima Ouassak, c'est une analyse qui, comme mentionné dans le podcast précédent sur l'adoption transraciale, s'applique de manière tout particulière aux mineurs non accompagnés, suspectés d'entrée de jeu, de mentir, parqués dans des hôtels, stigmatisés et évacués de l'ensemble de leurs droits et dignités, en tant que personnes humaines, d'abord, et en tant qu'enfants, en plus. Je vous conseille à ce titre le dernier épisode de la série LSD sur France Culture, Les enfants enfermés ou l'éducation sous contrainte. L'épisode 4, s'intitulant Les mineurs étrangers face à l'État et aux réseaux mafieux. En revenant sur ses expériences du militantisme en tant que maire des quartiers populaires, Fatima Ouassak donne plusieurs pistes possibles d'action. D'abord, elle affirme l'importance de reprendre son droit à la parole, en tant que parent de personnes minorisées. Cette parole doit croire, selon elle, en sa propre légitimité, qui, ancrée dans l'observation quotidienne, construit des aspirations précises pour l'amélioration de la vie de ses enfants. Cela rejoint les enjeux élémentaires en termes de conditions de vie plus saines, en termes d'alimentation, de cadre de vie, qui poussent vers des revendications écologiques pratiques. Elle donne notamment l'exemple de son combat pour l'instauration de menus végétariens à la cantine. Ces revendications mettent également en avant l'importance de l'ancrage local de la défense des espaces de vie. Elle rappelle l'historique des politiques dites urbaines ou d'aménagement urbain qui visent depuis les années 50 à marginaliser toujours plus les communautés précaires et racisées. Elle dénonce notamment ce qu'elle nomme l'évitement de la carte scolaire, autrement dit un système généralisé de fraude dans lequel les familles plus privilégiées se débrouillent pour obtenir des places dans dix meilleurs établissements scolaires pour leurs enfants, et donc cela le plus loin possible des établissements des quartiers. Contre ce phénomène qui peut être tentant aussi pour n'importe quel parent souhaitant la meilleure scolarisation pour leurs enfants, Fatima Ouassak affirme un militantisme à l'intérieur des différentes écoles, contre les inégalités scolaires. Enfin, une autre des revendications phares est la formation et la diffusion de la parole autour du sujet des discriminations, quelque chose qu'elle voit comme essentiel au sein des groupes minorisés et donc directement concernés, mais également au sein des écoles et de l'ensemble des personnels plus ou moins privilégiés qui gravitent autour des enfants. Pour renforcer son propos, Fatima Wasak revendique le caractère engagé et actif des parents dans l'éducation de leurs enfants, contre une tendance politique générale qui tend à les discréditer et donner presque tout pouvoir aux institutions extérieures, notamment scolaires. Rejetant toute interprétation essentialiste qui mettrait ça sur le compte d'un instinct naturel des mères ou autres, elle reprend la métaphore du poète Gibran, décrivant le apparenté comme l'archer qui prépare les flèches qui vont accompagner l'éducation de leurs enfants. Dans sa vision, les parents, parentes, confient leurs enfants à l'institution scolaire et non l'inverse. Et elles se trouvent donc toujours en situation de co-responsabilité en matière d'éducation, avec un droit de regard et d'expression essentiel sur ce qui se passe à l'école et en périscolaire. Ce droit à la parole s'applique également aux modalités mêmes des dialogues avec l'école, où les parents n'ont plus à se faire imposer le calendrier et les termes du débat. Outre les confrontations directes avec l'institution scolaire, Fatima Wasak prône une réappropriation générale des espaces des quartiers par les familles, dans les parcs, sur les terrains de foot, par des ateliers d'éducation populaire, etc. Car ces quartiers, en plus des phénomènes de gentrification, c'est-à-dire qu'ils font grimper les loyers en boboisant, puis en amenant des populations de plus en plus riches et en repoussant toujours plus loin les familles plus précaires, ces quartiers sont également toujours plus quadrillés par la police, assignant les jeunes à résidence. Ces espaces sont présentés ces dernières années comme des, je cite, « territoires de reconquête républicaine par les pouvoirs politiques ». Oui, oui, on le voit, les termes guerriers sont clairement affichés. Dans la même veine, Fatima Wasak s'oppose au discours pseudo-écologiste raciste, servant de justification à certains réaménagements urbains hygiénistes et qui ont, en réalité, surtout pour objectif de nourrir le tourisme intensif. Dans l'ensemble de son livre, ce que met en avant Fatima Wasak, c'est le refus de se résigner face à l'injustice et le besoin et désir de se battre pour le droit à la vie des générations qui viennent. Ce pourquoi se sont toujours mobilisés les mouvements de parents, et notamment de mères. Outre les revendications portées à l'extérieur des sphères familiales et des communautés, pour confronter les institutions, Fatima Wasak considère tout aussi essentiel le renforcement des liens et l'enjeu de transmission à l'intérieur même des familles et des communautés. Cette préoccupation, souvent présentée comme intrinsèquement liée à l'amour éprouvé pour leurs enfants, rejoint des études menées récemment sur l'impact positif essentiel que peut avoir le fait de parler des oppressions et des discriminations dès le plus jeune âge. D'après plusieurs études psychologiques, notamment états-uniennes, parler aux enfants des discriminations renforce la confiance en soi et donc les capacités de résilience des enfants des groupes discriminés. Parce que cela permet de casser les dynamiques de silence, de rompre l'impression d'isolement, de mettre la violence hors de soi en combattant à la racine les mécanismes de honte et de haine de soi que poussent à développer les différentes discriminations. Cet enjeu, il est largement souligné dans les podcasts réalisés par des personnes racisées qui se sont intéressées de près à ce sujet, tels que le podcast Kif Taras sur Binge Audio, le podcast À l'intersection, ou celui des enfants du bruit et de l'odeur, dans lequel les deux animatrices, Priska et Ulrich, adressent directement la question de l'éducation des enfants racisés face au racisme. Le plus souvent, les témoignages de parents racisés, notamment celles appartenant à la première génération d'enfants d'immigrés, mettent en avant le poids des politiques et des représentations assimilationnistes qui pesaient sur leurs propres parents, eux, et poussaient ces derniers-dernières à s'adapter, à taire les discriminations et violences reçues pour pousser à la réussite, en adressant finalement peu au sein des foyers la question du racisme. On retrouve très bien cette dynamique dans la fiction d'Alice Zeniter, L'art de perdre, qui revient sur l'évolution de trois générations suivant l'immigration d'une famille algérienne en France après la guerre d'Algérie. C'est l'importance de la transmission et du dialogue dès l'enfance autour du sujet des violences systémiques que soulignent également les mobilisations des personnes adoptées transraciales. Un sujet néanmoins loin d'être gagné en France où le racisme systémique reste encore plus que tabou. Amandine Gay donne souvent l'exemple du Québec, où elle vit désormais, où il est obligatoire, à l'inverse de la France, pour les familles blanches racisantes souhaitant adopter, de trouver une personne référente de la couleur de peau de l'enfant susceptible d'être adopté. Bien sûr, parler des violences systémiques aux enfants est loin d'être facile. C'est pourquoi Fatima Ouassak puise dans sa propre expérience en donnant des exemples de jeux ou d'autres manières d'aborder certains sujets de manière légère et différée, en laissant la place à l'enfant pour la construction de ses propres réflexions. Surtout, elle souligne, outre l'importance de pouvoir aborder les violences extérieures, celle de valoriser les singularités culturelles propres aux familles minorisées, de préserver et transmettre la diversité des cultures d'origine des parents, grands-parents, par les langues, l'arabe notamment, les chants, les objets, les pratiques culinaires, etc. À côté de cela, elle met également en avant l'importance de favoriser des imaginaires alternatifs aux représentations dominantes, de multiplier et diffuser des fictions différentes à la croisée des différentes cultures dans lesquelles puisent ces familles, de mettre à disposition des personnages et des histoires auxquels les enfants peuvent s'identifier. Un objectif auquel s'est attelée l'Association des enfants du bruit et de l'odeur, en recensant sur leur site internet des livres jeunesse qui offrent une diversité de représentations et ou abordent de manière accessible les questions de diversité des origines et parfois aussi de racisme. En conclusion, et de manière générale, la force de la figure révolutionnaire de la mère proposée par Fatima Ouassak est peut-être surtout son ancrage dans un militantisme quotidien depuis les réalités familiales, locales, communautaires. C'est un militantisme qui est là, de fait, pour se défendre face à des institutions oppressives, mais qui est revendiquée et donc pensée en tant que telle pour être toujours davantage organisée, gagne, d'après cette autrice, en joie et en efficacité, en répartissant les tâches, les charges mentales, physiques, etc. Parce qu'elles sont considérées comme des corps secondaires dans la gestion de la population et assignées à des espaces qu'on veut de plus en plus loin et de moins en moins visibles, ces groupes minorisés ont développé tout un tas de stratégies variant de la résilience, c'est-à-dire qui renvoie plus à une façon de prendre sur soi, à la résistance frontale. Si leurs luttes ne sont pas toujours présentées comme telles et légitimées par les médias, elles sont quotidiennes et dépassent les clivages classiques, travail, école, famille, etc., puisque toutes les institutions sont connectées et véhiculent le même pouvoir oppressif. La puissance des mères m'a beaucoup touchée et transmis une vraie impulsion de vie. Elle montre les victoires de nombreux collectifs de mères ou parents, de manière générale, que ce soit à Bagnolet ou Montreuil, pour ne citer que des exemples français. Ces victoires font écho à bien d'autres sur toutes sortes de terrains, notamment syndicaux, tant que des syndicats arrivent encore à se constituer. Je pense notamment à la victoire récente des agents d'entretien de l'hôtel Ibis Batignolles qui ont obtenu gain de cause dans leur longue mobilisation contre leurs conditions de travail déplorables. Big up à LE, tandis que nous, vous, les privilégiés, il est, je crois, important de refuser de continuer à faire perdurer nos, vos privilèges, en sortant des stéréotypes racistes et classistes, en refusant de continuer le jeu de l'évitement de la carte scolaire pour vos gosses, en continuant de diffuser les ressources, les pétitions des groupes concernés, en laissant dès que possible nos places dans les médias, en rejoignant les mobilisations contre les lois islamophobes, racistes, notamment concernant l'interdiction du port du foulard ou du voile dans les sorties scolaires, etc., etc. Sur cet appel, je vous laisse des listes de ressources en description et je vous souhaite de mettre à profit l'été pour continuer à mariner comme moi sur tous ces sujets. Bonnes vacances à celles qui en ont et courage aux autres. Soin de votre corps, très vite. C'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. À bras le corps.